c'est Jennifer sur Énergie. Jennifer est enfin de retour pour une tournée événement partout en France. Infos et réservations, énergie.fr, livenation.fr et point de vente habituel. Jennifer en concert, un événement Énergie. Music only. I just wanna stay in the sun where I find. I know it's hard sometimes. Pieces of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much. But it's fun. Easy to say, we have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody in this room. But they don't seem to see many bullets coming through. See many bullets coming through. Metaphorically, I'm the man, but literally, I don't know what I do. I'd live for you, and that's hard to do. Even harder to say when you know it's not true. Even harder to write when you know that tonight there were people back home who tried talking to you, but then you ignore them still. All these questions, they're falling like, who would you live for? Who would you die for? And would you ever kill? Taking my time on my ride. Oh, oh, oh, I'm falling. So I'm taking my time on my ride. Thinking too much. Help me. I've been thinking too much. I've been thinking too much. I've been thinking too much. Help me. Oubliez New York, Miami, Tahiti, des destinations de rêve. Oubliez la fête, les cocktails, la plage. Oh non ! Des destinations de rêve. On est là. Oubliez l'aventure, le sport, les vacances. C'est Mickaël sur Énergie. De minuit à 3h. Et sur Twitter, Facebook et Instagram, M-I-K-L officiel. Eh ben débarquez, on est là justement. Vous tapez Mickaël officiel Facebook, Twitter, Insta. Vous venez également sur SMS si vous voulez participer. Tapez M-I-K-L espace votre message et votre numéro au 612. On va récupérer Franck avec son histoire improbable là. T'es toujours là Franck? Ah ouais. Bon, ah, très bien. Attends. Il y a la cuine. J'imagine. Mais tu vas nous raconter, il y a juste Clarisse qui dit je vais continuer à kiffer longtemps de vous écouter jusqu'au bout. Bah, c'est gentil Clarisse, gros bisous. Luna qui nous dit qu'on gère grave, bah, c'est gentil Luna. Laurie aussi, c'est parti pour la meilleure émission. Merci Laurie. Qu'est-ce qu'il y a aussi Thibaut qui dit je me suis énervé contre la vitre de mon scoot car mon rétro était déboîté. 100 euros la vitre. Alors parfois il y a des gens comme ça qui ont tendance à s'énerver et qui cassent quelque chose. Et après, bah, c'est ridicule. Parce qu'ils doivent le rembourser ou le repayer ou le réparer. Et c'est complètement con. Il y a le gros là qui regarde un match de foot. Oh, le turc. Je vous ai mis la vidéo la semaine dernière. Oui, c'est un turc. C'est improbable. Le mec, je sais pas si vous l'avez vu, la vidéo est sur le Facebook de l'émission sur MIKL officiel. Mais bon, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'aller la voir, il y a un mec, donc il est en train de regarder le match de foot de la Turquie. Ouais. Et il y a sa femme ou sa copine, peu importe, qui a décidé de se foutre de sa gueule. Et en fait, elle coupait la télé à chaque fois qu'il y avait une action turque. Donc lui, il arrivait, voilà, et paf, la télé s'éteignait. Donc au début, il râlait. Il a été regardé si le câble était bien mis, et tout ça. Et puis après deux trois fois, le mec a commencé à s'énerver, il a commencé à taper sur la télé, il l'a décroché, il l'a jeté par terre, il a marché dessus. J'aurais pas voulu être à la place de sa femme, parce que quand t'as un mec qui a l'air d'être aussi violent et aussi nerveux, je pense qu'il faut quand même réfléchir à deux fois avant de lui faire une vanne, tu vois. Surtout dans ce cas de figure là. Mais bon. Bon, donc du coup, dites-nous si vous avez tendance à vous énerver, est-ce que vous avez des regrets dans ce cas. 01 40 71 5000. Bon, Franck, raconte un peu, c'est quoi ton histoire avec ton. Alors, je vais raconter. Juste un petit truc, parce que je pensais à Guillaume juste avant, en fait. Ouais. Parce qu'en fait, il m'a fait mourir de rire. Mais tu sais, j'ai vécu, je te dis, 2-3 ans, mais à mourir, ouais. Tu vois. Et il m'a fait mourir de rire, parce que je suis tombé sur une vidéo de lui, tu vois, sur YouTube, ouais. Où il est dans un parc, tu sais, ici, il s'assoit, il est en train de péter devant les gens, tu vois, tu l'as vu ou pas? Ah oui, on a entendu parler, ouais. Mais ça, c'est énorme. En même temps, c'est pour ça qu'on est là aussi, hein, pour faire marrer. Hein. Mais cela dit, Polo a posé la bonne question. Quel est le rapport avec l'ostéo? Oui, parce que je... Non, aucun rapport. Ah, d'accord, ok. Aucun rapport. Bah, là, je te raconte. Alors, vas-y. Il faut que tout le monde écoute bien, parce que... Bah, on t'écoute. Bah, en gros, voilà. En fait, j'ai été voir un dentiste, un pote, tu vois. Un dentiste, maintenant. Un dentiste. Ouais. Donc, je t'explique. Donc, voilà, j'étais resté la bouche ouverte un peu longtemps, tu vois. Et j'avais des petites tensions au niveau des articulations. Ce qu'on appelle les ATM, tu vois. Au niveau de la mâchoire. Donc je l'appelle, je lui dis, dis-moi Fred, on m'a conseillé un ostéo pour faire masser un petit peu. Ouais, il me dit, vas-y, tu peux y aller. Moi, tu sais, un ostéo, j'avais jamais vu un ostéopathe de ma vie, je ne sais pas ce que c'était, tu vois. Franchement, tu vois, j'allais voir les médecins classiques, kinés, je connaissais. Mais ostéopathe, jamais. Donc, moi, je suis dans la musique, tu vois. Donc, j'ai un mec qui me dit, bah, écoute, va voir un mec dans le CIAM. Bon, je vais pas dire l'adresse. Quoi, maintenant, ça a été jugé, j'ai gagné. Ouais, bon, on va donner pas l'adresse quand même, cela dit. Bon, enfin, bref. On va pas donner l'adresse, on s'en fout. Donc, il dit, bah, écoute, vas-y, tu vois, il reçoit plein de gens connus et tout. Comme toi, tu brasses aussi des gens connus. Mm-hmm. Moi, je fais des cours de musique à des gens comme le fils d'Arthur, trucs comme ça. Bon, d'accord, ouais. Voilà, donc je vais voir le mec il me tutoie, il me fait allonger, il fait ah ben dis-moi, t'es tendu toi? Bah je dis ouais, comme tous les Parisiens, c'est nous en général, voilà, on bosse, on voilà. Donc le mec, parce que les autres foutent rien, ceux qui habitent en province, c'est des branleurs. Ils travaillent absolument pas, c'est des chômeurs. Non mais je rigole, vas-y. C'est une vidéo, tu vois, on est là, on bosse comme des fous, la tension, enfin bon bref. Donc ouais, évidemment je suis hyper tendu, tu vois. Donc je m'allonge sur le ventre. Et le mec, tu vois, il prend ses deux mains, il commence à me faire craquer le bas du dos, mais vraiment bien violemment, si tu veux, tu vois. Ouais. Donc, j'entends vraiment bien craquer. Après, il me fait craquer le milieu du dos. Et après, si tu veux, il me retourne, il me met sur le dos. Donc, il m'a dit, vas-y, raconte-moi l'histoire du dentiste. Voilà, et je lui dis, oh, mais je dis, c'est pas grand-chose. J'ai eu des petites tensions au niveau mâchoire, en haut des mâchoires, tu vois. Ouais. Et le mec, écoute-moi bien. Hein. Moi, je savais pas ce qu'il allait faire. Il me prévient pas du tout, tu vois. Il me prend la tête. Tu vois, donc imagine, il me prend par le menton et par la tête, il fait des mouvements de rotation, il m'engouffre dans son très bon bras, tu vois. Ouais. Et là, écoute-moi, il me fait une putain de manipulation. T'as déjà vu un film de Bruce Lee? Pour tous les gens. Tu prends la tête, tu vois, et t'entends tout le rachis cervical qui dans une kalachnikov, si tu veux. Donc en fait, il m'a pris la tête, il m'a fait une rotation, mais une rotation forcée, tu vois. Il a été trop loin, la tête, elle a pas fait un tour, mais enfin, elle a fait les trois quarts. Le mec, il m'a défoncé. Donc, sur le champ, si tu veux, je lui dis, putain, mais c'est violent, toi, j'étais KO, j'étais sonné. Non, mais il me dit, t'inquiète pas, je travaille sur les premières cervicales. Moi, tu vois, j'y connais rien. En fait, le problème, c'est quand tu vas voir un médecin, il dit, oui, je fais ci, je fais ça, bah, tu dis oui. Tu connais rien, forcément. En plus, on est loin d'un médecin, tu vois, on est loin d'un médecin. Ouais. Donc, en fait, après, donc, je repars, et puis là, tu vois, je commence à avoir des vertiges, je suis pas bien. J'ai à ma meuf, j'ai dit, attends, c'est bizarre, je suis pas bien. Et là, toute la nuit, j'ai mal au cervical, ça me chauffe, tu vois, j'ai des nausées, enfin, je suis pas bien du tout, tu vois. Le mec, je le rappelle, je lui dis, moi, il y a eu un problème, parce que je suis venu voir, parce que j'ai juste un petit truc, mais là, j'ai pas dormi de la nuit, j'ai des douleurs qui sont juste atroces. Il me dit, reviens me voir. Qu'est-ce que je fais, moi, néophyte, je reviens le voir, tu vois. Alors, il me regarde, il me fait, je peux pas te laisser comme ça, t'as compensé sur la gauche. En fait, il m'avait foutu la tête de travers à gauche. Non. Qu'est-ce qu'il fait? Je te jure, il me remet sur la table, il me reprend la tête, il me refait une manipulation pour essayer de recalibrer. Sauf que là, si tu veux, j'avais compris. Et sauf que normalement, les ostéos, ils laissent passer 3-4 semaines avant de remanipuler. Oui, et puis surtout, ouais, avant de craquer quoi que ce soit, ils chauffent d'abord le. Non, mais bon, pas forcément des radios, ça dépend ce que t'as, mais ouais, ils chauffent d'abord, tu sais, ils massent pendant un quart d'heure. Oui, oui. Exactement. Ils font pas. Alors, ça comme des chances. Bah vas-y, attends, regarde, ils craquent. Non, non, bah non, ils massent, ils font chauffer la partie qu'ils doivent craquer, etc. Quoi. Ouais, ouais, et puis ouais, c'est rare qu'ils fassent craquer très fort. Enfin, moi, ça m'a jamais. Ça a jamais été comme ça. Voilà, le truc, c'est que le mec, il a juste fait usurpation du vide d'ostéopathe. En fait, il était que kiné, il avait marqué ostéopathe, sa carte de visite, si tu veux. Mais le mec, il reçoit que des célébrités, tu vois. Je peux dire les noms, si tu veux. Non, mais on s'en fout, Amit, peu importe qui il reçoit, mais. Le mec, tu vois, il reçoit, il joue sur le côté, bling bling, tu vois, il klaxonne, beau quartier. En fait, à la tchatche. En fait, le mec, il a juste fait de la thérapie manuelle, parce que moi, évidemment, j'ai fait une assignation en justice, et j'ai pris des médecins experts pour me défendre, et j'ai pris un ostéopathe auprès de la Cour d'appel, qui lui était un vrai ostéopathe, et qui l'a défoncé lors de l'expertise, si tu veux. Mais le mec, si tu veux, donc à la deuxième manipulation, là, je comprends. En fait, le problème, c'est ses manipulations. Là, je lui demande, je lui dis, je me fais une radio immédiatement, je veux une IRM tout de suite. Et là, sur l'IRM, on voit que c'est très grave, tu vois. Ah ouais, d'accord. Donc, le mec, là, il sait pas quoi faire. Il dit, bah, t'inquiète pas, on va s'arranger financièrement. Et c'était tellement grave. J'avais un père d'élève qui était avocat. Il fait, écoute, on va directement la signer en justice. Il dit, il n'y a rien à traiter avec lui. Il dit, c'est beaucoup trop grave. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On la signe en justice et le mec, après, dit, non, non, c'est pas moi. Ah, en plus. Le mec, non, c'est pas moi. Bah, tu me diras, il faut mentir, hein. Toi t'es là, le mec en face il dit non c'est pas moi. Ouais non mais je l'ai reçu, il n'y a pas de problème, je l'ai reçu. Mais moi j'ai juste fait des petites tractions avec mes pouces pour en fait étirer un petit peu les cervicales. Alors que le mec il m'a pris la tête. Mais imagine vraiment, Mickaël, un film de Bruce Lee, t'as déjà vu? Ah oui, non mais ouais, mais je me rends bien compte, ouais, mais voilà. C'est un truc de ouf. Quand tu veux toi un mec, en gros, je t'explique, quand tu veux toi un mec, c'est pas compliqué, tu lui prends la tête et tu la casses, une dissection de l'artère vertébrale derrière. Oh, l'artère vertébrale. Voilà, si tu fais la dissection de là, moi j'étais à deux doigts, je suis un miraculé, tu vois, j'étais au Val-de-Grâce hospitalisé, enfin, je suis un miraculé, donc le mec il m'a bien défoncé, mais je suis un miraculé, tu vois. Bah écoute, le principal c'est qu'au final t'es encore là aujourd'hui, mais attends, Franck, bouge pas, il y a aussi Émilie dans un instant qu'on va prendre, et puis bah vous aussi, si jamais vous avez envie de participer à l'émission là, par rapport à ça, par rapport aux insultes, par rapport à tout, vous pouvez vous appeler au 01 40 71 5000 02 703 0071 si vous êtes en Belgique. Message qui est arrivé aussi, moi quand je m'énerve je tape sur le mur pour pas taper quelqu'un, ça fait un peu mal au bout d'un moment. Oui bah oui. Pourquoi tu tapes sur un mur en plein coup en plus? Ah ouais, si travers, que, hop, et si tu sur un mur, et si tu tapes sur un mur en brique ou en béton, mec, je peux te dire que ta main elle est morte, hein. Yatin aussi, ou Yatine, je sais pas comment on dit. Salut les gars, c'est 2h du mat ici à Maurice, je révise pour mes examens, bon courage pour la soirée. Ah bah salut à toi, profite bien à l'île Maurice, ça va être sympa ça. Dédicace à Polo également, car grâce à lui j'ai pécho une meuf, c'est Jessie qui a envoyé le message. Eh oui, tu lui as menti, tu as bien fait. Et Valdel 12 qui dit je te suis depuis lundi, je te kiffe. Bah merci Valdel et merci à vous tous, en tout cas on est là, on écoute Mommy maintenant et puis on se fait les appels mal intentionnés dans quelques minutes. On parlera évidemment d'amour, comme d'habitude. Toujours. Normal. Tof qui va se faire insulter avec grand plaisir. Minuit 33 au cœur de la nuit sans pub, c'est Mickaël sur Énergie. So lover, which way have you moved? It's been a while since I've heard his groove. Cosmic love gave you something gold. So you wrap it all up and take it. Suddenly it's all real. Suddenly it's all you feel. You're free now. So the the unknown, the unknown. Salut tout le monde, c'est Mickaël, minuit 36, bienvenue sur Énergie. En 2016, les vacances c'est appel mal intentionné, auditeur complètement dingue, fécheux, des canulars et surtout Mickaël, Duff et Polo de minuit à 3h sur Énergie. Bon alors, on est là évidemment, hein, comme d'habitude. Si vous avez envie de participer à l'émission, bah, 01 40 71 5000, je vous mets le son d'Amir à suivre, il y aura Jennifer Lopez également. Et je vous mettrai aussi son prat, tiens. La question c'est quand est-ce que Top va s'habiller en Prada, c'est ça la question. Mais jamais, c'est beaucoup trop cher. Mais arrête, ouais, le Dieff s'habille plus en Prada pour... en Prada pardon, pourquoi tu t'as bah justement en Prada, moi je le ferai pas. Oh là là. Déjà Zara c'est limite alors Prada. Arrête Zara, ça vaut rien. Enfin ça vaut rien, c'est pas cher dans le sens par rapport à Prada quoi. C'est déjà très limite. Oh là là là là là. Bon allez, appel mal intentionné avant de récupérer Franck, Émilie. On a Belleville, ça sera très bien. Et ouais, c'est ça. Ouais. Et puis donc appel mal intentionné, est-ce que l'été ça vous donne envie de faire l'amour ou pas? Tof, j'imagine qu'il faut pas spécialement attendre l'été. Non, ouais, faut pas spécialement. Mais c'est vrai, non, si c'est vrai que l'été, t'as quand même un côté lié. Surtout là, ça fait un mois qu'il se passe rien. Mais ouais, mais c'est parce que tu vois les formes, les filles se baladant en tenue plus légère, etc. C'est ça, elles sortent la petite jupette, machin et tout. Ça, forcément, t'as un côté plus excitant. Forcément. Alors, vous remarquez que les mecs, ça change rien. Ils sont toujours en t-shirt et jean. Ouais, de temps en temps, ils font un effort à y mettre le petit Bermuda. Voilà, t-shirt et jean, et puis sans plus, quoi. Et ben, selon une étude, 68% des couples font plus l'amour en été qu'en hiver. Tu me diras, en même temps, en été, il y a moins aussi. Hein. Oui, c'est vrai. Ça a le côté positif. Valentine, tu préfères l'été ou l'hiver pour l'amour? Oh, les deux. Les deux. Et c'est vrai que c'est plus l'été, ouais. D'accord. Polo, tu t'en fous, toi? Ah ouais, attends, je peux baiser n'importe où. Voilà, l'automne, dans les feuilles, bah, bien sûr, dans le pollen, sûr. Je m'en fous, moi. Bon, bah, du coup, on va appeler des gens maintenant, hein, grâce au numéro que vous envoyez, comme tous les soirs, sur le mail de Tof, toph@energie.com. D'ailleurs, je rappelle encore au passage que si vous connaissez des gens qui s'énervent facilement, évidemment, vous pouvez envoyer les numéros de téléphone, juste les numéros, on a besoin que de ça. Et puis, bah, nous, on dira jamais qui nous a donné le numéro. Rassurez-vous, c'est anonyme. Donc, vous pouvez y aller sans problème. Ami ou ennemi, hein, même si vous connaissez votre ancien boss qui était une crapule, vous pouvez envoyer le numéro de téléphone et on ne dira pas d'où ça vient, rassurez-vous. J'ai deux, trois numéros, c'est ouais. De crapule. Donc toph@energie.com. Allez, on y va avant d'écouter Amir. On appelle maintenant le premier, minuit 39. C'est parti. On y croit. Allô. Oui, bonsoir monsieur. Ouais. Oui, je vous appelle. Bonsoir. Bonsoir, je vous appelle parce qu'en fait, je voulais savoir si vous avez plus envie de faire l'amour en été. Quoi ? Est-ce que vous avez plus envie de faire l'amour en été, monsieur ? Niquer ta mère ? Non, ça n'a aucun rapport. Si, va te faire enculer, fils de pute. Bah, non, monsieur, dites pas ça, ça se dit pas des choses comme ça. Bah si, va niquer ta mère, je te dis. Non, monsieur, non, dites pas des choses comme ça. C'est qui, là ? C'est Tof, monsieur. Non, non, mais je t'emmerde, tu fermes ta gueule maintenant et tu vas raccrocher et puis tu vas faire tes questions de merde à qui tu veux, là. Bah d'accord, non, vous allez répondre d'abord à la question, monsieur. Ouais, donc tu fermes ta gueule, tu vas te faire enculer, tu vas niquer tes poules, tu fais ce que tu veux, et mais tu vas te faire enculer et tu te barres. Mais non, monsieur, non, dites pas ça, c'est pas gentil. Bon, arrête avec ta voix de gayman, là, tu commences à me casser les couilles, d'accord ? Hein ? Bah, d'accord, faut de couilles ? Bah oui, mais répondez alors, à la question d'abord, monsieur. Non, déjà, ce que tu fais, c'est que tu vas la fermer, tu vas prendre, tu vas rentrer chez toi. Mais je suis déjà à la maison, monsieur, je suis dans ma chambre. Ouais, non, mais là, tu vas commencer à me chauffer, à me saouler, là. Mais non, alors, monsieur, si vous répondiez à la question, on aurait déjà raccroché. Bah, tu fermes ta gueule, tu vas niquer ta mère et tu te barres, d'accord ? Bah, allez, nique ta mère. Non, monsieur, j'étais obligé de vous rappeler. Allô ? Bah, nique ta mère. Hein. Voilà. Bah, oui. Ouais, bon, on rappelle. Bah, oui. Allez. Possible. Eh, qu'est-ce que tu veux, fils de pute ? Bah, c'est parce que vous avez pas répondu à la question, monsieur. Mais ferme ta gueule, va niquer ta mère, fond de couille, putain. Non. Mais t'as été claqué dans le mur ou quoi, fond de couille? Mais pas du tout, monsieur. Putain, mais c'est pas possible, toi, putain. Mais non, monsieur, mais attendez, moi je vous appelle gentiment, répondez à la question. Non, mais moi j'en ai rien à foutre, t'es gentiment, tu fermes ta gueule et puis tu vas te coucher, fond de couille, espèce de chômeur. C'est quoi? Arrête de me pomper, tu commences à me... Putain, il va commencer à me faire chier. Nique ta mère, tu sais ce que ça veut dire? Bah oui, mais ça n'a aucun rapport avec ma question, monsieur. Putain, mais c'est quoi ta question de fils de pute? Bah c'est juste de savoir si vous avez plus envie de faire l'amour en été, c'est tout. Bah je sais pas, ça dépend de ta mère comment elle est épilée là. Enfin ta mère, celle qui pisse debout là, tu sais? Non, je comprends pas monsieur. Fils de pute, putain, me casse les couilles enfant de putain là. Mais non, je ferme vous ta pas gueule, chômeur. Ta gueule, fils de pute, ta gueule, tu commences à me faire chier, fils de pute. Alors maintenant tu te barres, enculé, d'accord? Bah oui, mais répondez. Va emmerder quelqu'un d'autre, espèce de chômeur. Mais je vous emmerde pas, monsieur, je vous pose juste une question. Ouais, t'as quel âge, t'as? 35 ans, monsieur. Ouais, 35 ans, ouais, et toutes tes dents. Et qu'est-ce que tu fais? Ah ouais, c'est vrai, t'es chômeur. Qu'est-ce que je voulais dire? Putain, en plus, je suis en congé, cet enculé, il m'appelle, genre de mes congés, quoi. Bah oui, pute, quoi. Comme ça en plus vous avez bien le temps de répondre à la question. Mais ferme ta gueule, fils de pute. Non, dites pas ça, monsieur, c'est très méchant. Ah, il a raccroché, donc il faut qu'il allait démarrer derrière encore. Fond de couille. Oui, fond de couille, exactement. On rappelle. Il avait l'air. Voilà, on a dû le chauffer un petit peu, mais alors il est à point. Ah, là, il est. Je pense qu'il est prêt. Tu vas me casser les couilles complètement, bâtard. Bah, jusqu'à ce que vous répondiez à la question, monsieur, c'est normal. Mais je t'emmerde, je vais pas te répondre, fils de pute. Putain. Ah, il va me péter les couilles. Putain, ça y est, là, je suis déjà énervé, là. Bah, oui, mais vous énervez pour rien, monsieur, alors que vous pourriez simplement répondre à la question. Mais j'ai pas envie de répondre à ta question de clochard, là, espèce de fond de couille. Putain, mais t'es né à l'envers ou quoi? Putain, mais. Oh eh, franchement, eh. C'est... T'as pas 35 ans, c'est pas possible. Ah, si, si, 35 ans, monsieur, je suis né en 1980. Ouais, mais. Je vais sur 36 ans. Non, mais tu t'as 36 ans, t'as pas vu la mentalité, espèce de tétard, là. Putain! Franchement, si tu te mets en face de moi, c'est ce que je fais. Non. Je prends ta tête, je te mets un gros coup de poing dans ta gueule, je te fais avaler tes dents. Ça fait très mal. Et tu fermeras ta gueule, fils de pute. Mais non. Ouais, non, mais tu as marre, je vais t'en poser des questions, moi. Viens devant moi, espèce de fils de pute. Moi. C'est trop violent, tout ça, monsieur, ça se fait pas. Ouais, ben bah, j'en ai rien que c'est violent encore, t'as rien vu ce que je vais pouvoir te faire, espèce de clochard. Moi. Mais non. Putain. Allez, répondez à ma question, lui. Mais ferme ta gueule avec ta voix de gamin. Putain, mais t'as vraiment une voix de tapette, une voix de tarlouse, espèce de. Putain, mais il m'énerve, ce fils de pute. Non, il commence à me casser les couilles, ce connard, là. Mais non, monsieur, allez, arrête de dire des choses comme ça, c'est pas gentil. Allez, arrête avec tes... Putain, il commence à me faire bégayer, fils de pute. Nique ta mère, tu comprends? Ferme ta gueule, nique ta mère, fond de couille, trou du cul, enculé, gros bâtard, trou de balle, d'accord? Mais tu fermes ta gueule, fond de couille, et tu vas renaître, tu fais ce que tu veux, tu vas te faire violer, tu vas te faire sodomiser, tu fais ce que tu veux. Tu me casses pas les couilles, espèce de con, d'accord? C'est pas un concours de barre, monsieur, je voulais juste. Non, j'en ai rien à foutre, tu fermes ta gueule, je te réponds pas à ta question de demande, là. Alors tu fermes ta gueule, fond de couille, et tu me casses pas les couilles. Non, dites pas ça, monsieur, c'est pas gentil. Allô. Ah, une nouveau parti donc. Oh là là, en fond de couille. Il y a eu aussi le fond de couille, hein. Fond de couille. Oui, ça c'est sa préférée, je pense. Ouais. On le rappelle. Allez. Pète les couilles. Qu'est-ce que tu veux? Mais putain, mais je veux une réponse, monsieur, à ma question. Mais putain, mais j'ai pas le temps aujourd'hui. Appelle-moi un autre jour. Appelle-moi la semaine prochaine. Bon, ben bah, je vous rappelle. Appelle-moi la semaine prochaine. D'accord. Et bon, on fait comme ça, monsieur. Je vous rappelle la semaine prochaine. Ouais, allez, à la semaine prochaine. Allez, ciao. Au revoir, monsieur. Ouais, allez, au revoir, ciao. Bah voilà, mais donc il y a un date là. Bah, il y a un date. Il y a un date. Il y a un date. Il y a un rencard. On va être obligé de se rappeler. Ah ouais. Putain, il y a un rencard. Hop, je le rappelle. Bah, j'espère bien. Bon, lundi minuit, soyez là, hein, connectés sur Énergie. On le rappellera sans problème. Et puis, on en rappellera l'autre dans moins d'une heure. Si vous avez envie de participer, hein, si vous avez envie de donner des numéros de téléphone pour qu'on puisse appeler les gens et leur poser des questions, qui ont toujours des vraies questions, hein, toujours rapport à un vrai sondage. Bien sûr. Je parle pas dans le vent. Ah non, bien sûr. Donc, vous envoyez ça sur toph@energie.com. On va récupérer Émilie et Franck dans quelques minutes. On aura Jennifer Lopez comme promis. Il y a Johan qui a envoyé un message aussi sur le Twitter qui dit moi je suis ostéo et il fait passer le message aux gens de se renseigner avant d'aller voir des ostéos. Ah mais oui. Trop de prétendus ostéos. Ouais, c'est vrai qu'il y en a plein qui se prétendent ostéos alors qu'en fait pas du tout. Mais oui. Timothée qui dit moi je peux dire au moins 150 insultes voire plus quand je joue sur PC. Ah ouais, t'es quand en train de perdre. Et So Adam qui dit pour Tof c'est pas tant le nombre d'insultes qu'il sort, c'est le nombre d'insultes qu'il subit par jour. Ouais, c'est vrai que lui c'est plutôt dans le sens inverse. Qu'on pourrait imaginer ça. Bon, minuit 45, passez une bonne nuit, on est sur Énergie. On va s'écouter le son d'Amir comme promis. Et puis, jeu de la piscine à suivre également. Hein. Si vous voulez gagner une tablette ce soir, appelez-nous maintenant 01 40 71 5000. Tov va avoir la tête sous l'eau, il va tenter de vous faire deviner trois mots. Si vous arrivez à trouver au moins, si vous arrivez à trouver les trois mots, c'est gagné. 01 40 71 5000, minuit 46, c'est Amir qu'on écoute. J'ai cherché un sens à mon existence, j'y ai laissé mon innocence, j'ai fini le cœur sans défense, j'ai cherché. L'amour et la reconnaissance, j'ai payé le prix du silence. Je me blesse et je recommence. Tu m'as comme donné l'envie d'être moi, donné un sens à mes pourquoi. Tu as tué la peur qui dormait là, qui dormait là dans mes bras. I'm not afraid to Sans plus, bonne nuit, c'est Mickaël sur NRJ et Jennifer Lopez avec R.A. Istrefi, ça arrive avant une heure. Tu t'énerves, tu tweets, tu cours, tu Facebook, tu Instagram, tu téléphones, terminé tout ça. Ralentis, prends ton temps. C'est les vacances avec Mickaël sur NRJ tous les soirs de minuit à 3h. Allez, bonne nuit encore, Mickaël sur NRJ donc, Jennifer Lopez arrive. Qu'est-ce qu'il y a aussi, un message qui dit « Oh, il va dépasser le quota journalier des insultes, Toff, là, comme d'hab avec son appel, c'était énorme. » Merci à toi, Soadam. Yasmina qui dit « Salut l'équipe, comment ça va ?» Bah, plutôt pas mal. Et Flo qui dit « C'est parti, jusqu'à 3h pour un petit moment de détente avec toute l'équipe. » Eh bah oui, où que vous soyez, profitez bien, si vous êtes en train de bosser, si vous êtes au lit peut-être, je sais pas, si vous êtes en train de vous toucher, pourquoi pas. Si vous êtes en train de faire l'amour, il y en a plein. Non mais c'est vrai, ils ont raison, bah tant mieux qu'ils profitent. C'est bizarre. Bah oui, bah profitez bien, on est là jusqu'à 3h du matin comme toutes les nuits cette semaine et la semaine prochaine. Et puis on fera 20h minuit à partir du 18 juillet, 20h minuit pendant tout le reste de l'été. Émilie est avec nous maintenant à Montélimar, salut Émilie. Salut tout le monde. Comment salut. Ça va? Ça va? Bah oui et toi? Oui, ça va, ça va. Bon cool, bienvenue à toi alors. Dis-moi, bienvenue. Tu nous appelles oui. Pourquoi Émilie? Ben moi, je vous appelle, en fait, c'est pour le sujet des énervements pour rien. Ouais. Donc, ah oui. Mon histoire est que le week-end dernier, pas ce week-end-là, mais il y a 2 semaines, en gros, je me suis pris la tête avec mon copain parce qu'il était avec ses potes. Et ça m'a gavée. Et du coup, je me suis énervée et je lui ai lâché un gros bâtard enculé. Et de ce fait. Et venant d'une fille, c'est plus violent que venant d'un mec, je trouve. J'aime bien, mon histoire. Voilà. Et de ce fait, il n'a pas tellement bien apprécié. Donc, on s'est séparés pendant un petit moment. Il m'a bien fait regretter. Ah, attends, vous vous êtes séparés à cause de ça? Oui, parce qu'en fait, il n'a pas supporté que je lui lâche le bâtard enculé, en fait. Attends, ça va, le mec, il faut qu'il redescende, tranquille, ça va. Oh. Ouais, du coup, ouais, ça m'a bien fait réfléchir et j'ai bien regretté mon action. Ouais, mais non, mais attends, ça va, il faut pas non plus que tu gardes tout à l'intérieur parce que ton mec il vit mal le fait que tu dises va te faire enculer. Bon, ok, c'est pas le mot le plus classe, mais ça va, c'est pas non plus la pire insulte. T'auras dit fils de pute, ouais, je comprends que le mec soit un peu énervé. Ou tu vois, mais là, c'est bon, en plus sur le coup de l'énervement, t'as pas sorti ça gratuitement comme ça en plein milieu d'un repas de famille, enfin, tu vois. Émilie? Merde, on a perdu Émilie. Ah, Émilie, oui. Ah voilà. Oui, je suis là. Non, j'ai pas compris mal. Je croyais, oui, je te confirme, je croyais qu'on t'avait perdu. Donc, non. Du coup, tu réfléchis à deux fois, tu tournes 7 fois ta langue dans ta bouche, comme on dit. Ouais, c'est ça, ouais. D'accord. Bon, bah écoute, si ça t'a servi de leçon, pas facile. Hein, c'est toujours ça de gagner, tu me diras. Bon, bah merci, Émilie. Oui. Bah, de rien. Bah, une bonne soirée. Est-ce que par rapport à Franck, là, t'es déjà tombé sur un médecin charlatan? Non. Parce que lui, il avait été voir l'ostéo, là, qui lui a fait plus de merde qu'autre chose. Et donc, on voulait savoir si jamais ça vous était déjà arrivé, justement, tiens. Bon, bah, c'est pas grave. Non, bah, tant mieux. Non. Dans un sens, tant mieux. Merci, Émilie. Oui. Gros bisous. Bah, merci à vous. Gros bisous. Continuez comme ça. Merci. À bientôt. Ciao à toi, Émilie. Bye. Il y aura Saladin dans un instant. Medjahed également. Et retour de Franck. Bon, bah, du coup, Franck, t'as un truc encore à ajouter par rapport aux ostéos. Sinon, qu'il faut évidemment se méfier quand on va voir un ostéo et surtout y aller. Surtout y aller, mais. Quand vous êtes conseillé par quelqu'un, bah tu me diras lui aussi, il a été conseillé, ça veut rien dire. Mais c'est même pas ça, c'est qu'en fait, si tu veux, voilà, en gros, ceux qui vont voir un ostéo, la loi elle est claire. Il faut qu'ils aient une radio, d'accord ? Il faut que l'ostéo ait une radio et un avis médical comme quoi il n'y a pas de contre-indication à une manipulation. Oui. Une manipulation, c'est ce qu'ils appellent du trust, c'est-à-dire faire craquer. Ça, c'est ce qu'il y a de pire. Là, tu vas devant de gros dégâts. Bon, enfin, bref, voilà, on va transformer ça en un truc positif, tu vois. Le truc positif, c'est que bon, bah évidemment, en France, tu fais pas justice toi-même, tu vois. Ouais. Et puis, attends, juste pour en revenir, c'est pas que les ostéos, c'est tous les médecins. T'as des médecins. Non, ah, non, si. Non, mais il faut toujours. Attends, t'as des médecins, c'est des. Attends, mais laisse-moi parler. Et t'as, des médecins, t'as même des mecs qui sont en place et tout. Des fois, ils font n'importe quoi. Ils te donnent des médicaments sans vérifier que, par exemple, t'as des allergies, etc. Et c'est aussi chaud que ça. Hein. Et tu sais que t'as des médecins d'ailleurs qui pendant un temps donnaient un max d'antibiotiques parce que c'était la mode à l'époque. Surtout parce qu'apparemment quand tu dois faire des, tu sais, pour savoir si un truc est viral ou si c'est une maladie virale donc qui passe avec le temps ou voilà, ou alors si c'est bactérien, tu dois prendre des antibiotiques, il fallait faire des analyses. Sauf que du coup à un moment donné la sécu analyser justement, c'est le cas de le dire, les médecins qui faisaient trop d'analyses et du coup coûtaient trop cher à la sécu. Donc du coup, les médecins ils se disent ah vous avez ça, bon on va prendre des antibiotiques, et ils faisaient plus d'analyses parce que sinon ils se faisaient engueuler. Résultat, ils filaient des antibiotiques. Bon, on sait que c'est mauvais pour la santé, donc quand c'est nécessaire c'est bien, mais je veux dire, si c'est un truc bactérien, si vous prenez des antibiotiques, ça va absolument rien faire, hein, ça ne va rien changer à part vous niquer l'estomac ou des trucs comme ça. Et donc du coup il y a parfois de bons médecins qui ne font plus d'analyses parce qu'ils ne peuvent plus en faire. Parce qu'ils ont déjà atteint leur quota d'analyse et que du coup les patients d'après, tant pis pour eux quoi. Donc après c'est dommage, mais il y a plein de trucs qui sont mal faits. Moi je propose qu'on sorte de l'Europe pour sortir de ce problème, non? Écoute, en tout cas moi je propose une chose, Mickaël, tu m'entends ou pas? Oui, je t'entends, ouais. Voilà, donc je propose une chose. Donc moi, j'ai gagné mon procès. Je te cache pas que j'ai reçu une bonne somme d'argent, tu d'accord. vois. Donc, et tu veux nous la donner. Écoute, vraiment, je n'en demandais pas tant, mais puisque tu insistes, on ne refuse pas un cadeau, donc oui, ok, d'accord. Donc en fait, maintenant, ma devise, tu vois, là pendant 6 mois, c'est kiffer. Kiffer, kiffer, kiffer. Donc je passe une annonce officiellement, là, chez toi. Ouais. Si y a une fille qui veut kiffer, alors je ne parle pas à kiffer sexuellement. Mais qui veut passer. Pourquoi? Parce que t'es mauvais au lit. Non, mais qui prévient. Surtout n'espérez pas kiffer. Hein. N'espérez pas jouir, hein, parce que ce n'est pas possible. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je veux faire des trucs, genre, tu vois, le Bristol, aller au la piscine du Bristol, ça me sert du kiff, aller manger au coq, au troquin. Enfin, tu vois, je veux une fille sympa avec moi, tu vois, une auditrice, et tout ce qu'elle veut, je lui offre. Dis pas ça, Franck, il y a que des crevards qui vont arriver parce qu'elles vont cerner le pigeon, là. Non. Mais tout ce qu'elle veut, elle l'a. On se fait un kiff sur 3-4 jours, toi, une fille sympa, et on se fait un petit compte rendu, on te rappelle. Avec plaisir. Toff veut bien s'habiller en fille, mettre une perruque, hein, si tu lui offres tout ce qu'il veut, il n'y a aucun problème, il vient tout de suite. Alors là, resto, hôtel, vêtements, en plus, Toff, il adore s'habiller chez Prada. J'aimerais bien m'habiller en Prada parce que j'ai un pote à moi qui me dit que c'est génial. Bah ouais, mais comme moi, j'ai pas envie de payer ça. Voilà, tu vois, même lui, il s'habille plus en Prada, alors toi, tu peux prendre la place. Prada, je connais Prada, mais moi, je suis pas habillé. Mais ça, c'est vraiment une chose, c'est que qu'est-ce que ça a à voir avec Prada? L'argent fait pas le bonheur, donc il faut le partager, tu vois. Et mon numéro de compte est là. On lui a pété la nuque, je pense trop. Bon, en tout cas, Franck, l'annonce est passée, tu rappelles quand tu veux, et puis profite bien alors, hein, kiffe bien. Si y a une demoiselle à Paris qui veut kiffer sur un week-end, voilà, 01 40 71 5000, et puis Valentine fera passer les messages, en tout cas, pas de problème. Bah, merci Franck, en tout cas, rappelles quand tu veux, kiffe bien. Et à plus, salut et bonne vacances. Bon courage. Et ciao. Et merci de me faire rigoler. Merci, avec plaisir, hein. Merci d'avoir appelé en tout cas. Du coup voilà, c'est bien de kiffer aussi, il faut parfois se faire kiffer, hein. Toujours. Voilà, regarde Toff, il va bientôt kiffer, il va s'habiller en Prada et c'est bien, il faut se faire kiffer, voilà, il a raison. Ouais. Bon, dites-moi quel chirurgien a refait la tête de Toff car c'est franchement un charlatan. Avec tout le respect que j'ai pour Marie, c'est sa mère, il n'a jamais été voir un chirurgien. Le bistouri n'est jamais passé par là parce que trop de travail. Oui, les mecs on a fait un devis, les mecs ils ont dit c'est comme parfois il y a des immeubles qui ne valent pas la peine d'être retapés, il faut raser, il faut les faire tomber et en refaire un nouveau. Et là les mecs ont dit il y a trop de boulot, trop de travail. C'est quoi, il y a 30 ans de travail. Non mais minimum, on sait même pas si la terre sera encore là, si le soleil brillera encore quand les travaux seront finis. C'est pour vous dire, c'est pas la peine. Adrien qui dit Toff est prêt à montrer ses muscles à la plage cet été. Ah ouais, il y travaille là. Ah ouais, là il travail grave. Seb de Quimper aussi. Troisième dent dévitalisée en 2 mois. Je commence à me poser des questions sur mon dentiste. Je sais que j'ai les dents pourries, mais il y a quand même une limite. Ah, il faut se méfier. Hein. Une histoire que j'avais déjà racontée aussi, c'est un jour. J'étais même pas né encore, mais c'est ma mère qui est allée au Portugal dans mon village, enfin dans le village de mon père à la base, pour la toute première fois. Et là, je vous parle de ça, c'était dans les années 70. Et donc. On était pas né. Non, je te confirme. Ça, ouais. Et donc, rage de dents. elle va dans le chez le dentiste du village et au moment où elle rentre dans, bon, c'était dans les années 70, je vous annonce, hein, c'est dans un bled de chez bled. Et donc elle arrive chez le dentiste, le mec était pas là, donc il arrive, sa femme dit oui il arrive, et donc il arrive avec une espèce de tablier rempli de sang parce qu'il venait d'égorger ses poules. Non mais donc, jusque là tu te dis bon ok pourquoi pas le... on les veut d'accord enfin bon et donc du coup il arrive et là ma mère dit voilà j'ai mal là enfin bref et là il arrache la dent donc du coup ma mère est en chie hein, forcément hein. Et puis donc elle rentre et le lendemain elle avait mal encore et en fait il s'était gouré, il avait arraché la mauvaise. Oh là. Résultat, elle a dû retourner chez un autre dans le village d'à côté qui est un peu plus voilà. Et donc du coup deux dents arrachées, t'imagines? Tu mets une droite au mec. Non mais c'est, faut faire attention, c'est pour ça que je dis toujours des deux avis valent mieux qu'un. Ouais. Parce que souvent les mecs qui font vraiment de la merde, ils te disent ouais non c'est rien parce qu'ils en ont rien à foutre ou parce que tu sais, ils sont fatigués, et puis c'est très rare des bons, ouais. Ouais, c'est rare. Ah, vraiment, ouais. Bon, 01 40 71 5000, dites-nous si vous avez déjà eu des mauvaises surprises en allant voir un médecin, tiens. Médecin quel qu'il soit, évidemment, par rapport aux insultes aussi, si vous avez tendance à vous énerver rapidement, et surtout, est-ce que vous en avez des regrets? 01 40 71 5000. On écoute Jennifer Lopez maintenant, je l'ai promis. On sera le jeu de la piscine à suivre également. Et puis, les minuit 59, bienvenue. Together, I ain't your mama. No, I ain't your mama. No, I ain't your mama. No, wake up, arise and shine. Oh, yeah, yeah, yeah. Let's get to work on time. Oh, yeah, yeah, yeah. No more playing video games. Oh, yeah, yeah, yeah. Things are about to change. Eh bah bonne nuit, 1h03, on est sur Énergie, on est au cœur de la nuit sans pub, c'est Mickaël, bah bienvenue hein. Changement de dernière minute. Vous pensiez passer les vacances tranquilles à la plage, à bronzer, avec votre famille, à faire la fête? Stop, on arrête tout. Mickaël débarque tous les soirs de minuit à 3h sur Énergie. Il y en a plein hein, des réactions là par rapport aux médecins. C'est surtout les dentistes qui prennent cher. On va en prendre quelques-uns là. Il y a Karim, il y a Sam, il y a Saladine, il y a Jérém, il y a Sébastien également. Un message qui salue les potos. J'ai horreur de la vulgarité car ce n'est pas le bon exemple pour les prochaines générations. Paix et amour. C'est Maxwell. Alors, là, s'il y en a bien un qui. C'est bien la première fois qu'il écrit un message où il n'y a pas enculé, PD. Enfin bref. Non, c'est pas vrai. C'est le mec le plus pisse que je connaisse. Ouais, c'est pisser. Bon, Jeanne-Françoise qui dit un enculé de dentiste m'a endormi la mauvaise dent et m'a traité de chochotte parce que j'ai eu mal quand il a attaqué avec la fraise. Ouais, le pire c'est quand il fait l'erreur. Enfin, bah dites donc, vous exagérez quand même là. Mais moi, c'est ce qui m'ont toujours énervé. Et moi, il me disait, parce que tu sais, à l'époque, tu sais, t'as des médecins de famille, tu sais, de médecins que tu vas voir tout le temps. Il me disait à chaque fois, je lui disais un truc, oh, il y a un peu de cinéma là. Je lui dis, mais attendez, j'ai mal quoi. Ouais, oh, ça va. C'est un truc de ouf, ouais, c'est des ouf. Non, mais c'est dingue. Tu sais, c'est comme. J'ai appris ça il y a pas longtemps. Tu sais que les bébés prématurés, quand ils naissaient, ils devaient se faire opérer, par exemple. Ouais. Les médecins, je parle de ça dans les années 80, les opéraient sans se faire endormir. Parce que soi-disant, leur système nerveux n'était pas encore complètement fait et qu'ils ne sentaient rien. Et apparemment, tu vois les bébés qui se tortillent. Bah oui, forcément, ils hurlaient. Ils se font opérer à vif. T'imagines un peu. Bienvenue sur Terre, hein. Oh, mais qui s'est charcuté le pauvre, même si c'est pour son bien, mais quand même quoi. Non, c'est pas la peine de l'anesthésie, il ne sortira rien. Non, mais puis même, je pense mais qu'il est lancé, lui, il est bébé. Non seulement, mais en plus, il doit être marqué à vie parce que c'est des douleurs. Un traumatisme. Mais il y a des gens, je te jure. Enfin, heureusement, ça se fait plus aujourd'hui. Tu crois que Toff a été travaillé peut-être, ouais. Dans les années 80, tu me diras, il est né dans les années 80. Moi, je suis né pile au début. T'es né prématuré ou pas? Je crois pas, non. Non, je crois que j'étais à terme. Moi, j'étais même au-delà du terme. Ah, bah, ça m'étonne pas. Le mec, il est resté 10 mois. Non, mais si, ouais, je crois que. Christophe, sors! Non, mais c'est ça, je crois que je voulais pas sortir, mais j'en ai rien à foutre. Bah oui, bah il est resté un peu plus longtemps. Hein. Bah oui, c'est normal. Ouais, je crois que je suis sorti bien en retard. Putain, parti à la clinique pour l'appendicite, d'après le médecin, et une heure plus tard, opération en urgence d'une tortillon du testicule. C'est les boules, oui, merci, ouais, Cédric, on l'a compris. Ah oui, putain, Cédric, du 25, ah oui, ça c'est. Ah, c'est chaud ça, ah, ouais, là, testiculaire, ça fait mal. Hein. Ouais, enfin, j'ai jamais eu, mais je veux bien croire. Bon, on va prendre Saladine qui est avec nous maintenant. On dit comme ça, on dit Saladine. Ou Saladin? Allô? Bonjour? Oui, non, bonsoir. Saladin. C'est Saladin, d'accord. Oui, okay. Ça, c'est la version européanisée de Saladin. Parce que moi, j'avais un mec quand j'étais à l'école, quand j'étais petit, c'est d'ailleurs le seul à qui j'ai mis une droite. Et il est tombé, j'étais voir s'il avait pas fait mal. Enfin, bref, une histoire. Et il s'appelait Saladin, c'est pour ça que je disais Saladin. C'est la version arabe. C'est du Saladin, mais Saladin, c'est la version européenne. Ah, d'accord, ok. Bon, bah Saladin, alors, de Lille, bah, bienvenue à toi. Alors, tu voulais parler d'un petit peu de la colère et de la nervosité, toi. Tout d'abord, je voulais vous dire, c'est la première fois que je vous écoute. Ah bah écoute, bienvenue. Merci. En fait, c'est parce qu'il y avait un gars là qui s'amusait à m'appeler, il m'appelait tout le temps sur mon téléphone. Il t'appelait comme ça, il disait oui, bonjour monsieur. Ah c'est ça. Voilà, ouais. En fait, il m'appelle. Non. Un gros pervers. Il est toujours en train de me parler de cul et tout, ça a commencé au mois d'octobre à peu près, ouais. Ouais. Et le mec, il me posait des questions, mais vraiment des questions bizarres, il parlait de ma femme et tout. Et je ne comprenais pas en fait. Et mais le quel gars, connard. Ah oui. Ah, c'est un gros connard, ouais. Et en fait, le mec, il me pose des questions et tout, et à cause de ça, moi, je pétais des câbles. Non. C'est bizarre ça. Ouais, un truc de fou. Et à cause de lui, j'ai pété mon téléphone. Parce que franchement, j'en avais tellement marre. J'ai pris mon téléphone, je l'ai claqué contre un mur. C'est pas vrai. Explosé. Ah si. Il y a une question comme ça dont tu te souviens, pour qu'on puisse enquêter, pour voir d'où ça vient. Ouais, parce que ça nous inquiète. Bah en fait, plusieurs fois il m'a appelé, à peu près 3 ou 4 fois. Ouais. En fait, c'était si je faisais partie d'une académie de sexe ou je ne sais pas quoi. Si j'aimais bien faire des plans à 3, je crois, il s'appelle Toz. Toz? Ah non, ça n'est pas. Ah non, il n'y a pas de Toz ici. Non. On a un Toff, nous, mais pas de Toz. Ah ouais, bah ça doit être ça, ouais, Toff, là, ou Toz. Et un deuxième, je pense, ça doit être son frère, là, Fak-Fak. Ah, Dame Dame Pak-Pak. Ouais, je me souviens, il avait dit Pak-Pak. Franchement, il m'a poussé à bout. Voilà, là, c'est un ami, il m'a dit oui, écoute Énergie, ce soir et tout, tu vas voir à partir d'une heure du matin. J'ai dit ok, pas de problème. Et en fait, c'est la surprise. Ouais, la surprise, et j'entends chien de la casse, chien de la casse. Et ça, c'est un truc que je dis tout le temps en fait. Et je vois partout, il parle chien de la casse, chien de la casse. Et c'est là que j'ai compris en fait, c'est vous qui m'appelez. Et bah, ça oh, alors, ça, c'est, ça vraiment, c'est vraiment bizarre. Ça ne me dit rien du tout. Ah ouais, franchement, on tombe des nues. Hein, alors là, complètement. Est-ce que ce serait toi, par exemple, ça là? Chien de la casse. Ouais, c'est bien ça. Ouais. Non. Eh, tu sais qu'on la garde en extrait, hein. Chien de la casse. Je le remets comme ça de temps en temps pour rire. D'accord. C'est pas vrai. Ah, il est là. Attends, je te le passe. Je te le passe. D'accord. Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour. Oui. Alors, d'accord, vous faites plus l'amour en été ou pas? Comment? Est-ce que vous faites plus l'amour en été, monsieur? Si je fais plus l'amour en été, ouais, c'est plus chaud, ouais. L'été, je suis plus chaud, ouais. C'est bizarre parce que les autres fois, tu me répondais pas comme ça. Ouais, les autres fois, c'était plus énervé. Ouais. Ouais, c'est vrai, ouais. Bah, c'est parce que je vous connaissais pas. Ah, merde. Juste un message. Alors, c'est vrai qu'on aime bien quand il y a des gens qui nous balancent des numéros de téléphone de gens qui s'énervent, c'est clair. Mais par contre, balancez pas, les gars. Mais ouais, oui, ça se fait pas, après on peut plus rappeler. Parce que nous là, Saladin, on l'a appelé 2-3 fois, on comptait encore l'appeler, mais là, on va devoir enlever son numéro de la liste. Ah c'est bon, non, j'ai eu ma dose. Hein. Et je l'ai appelé, là, c'est le gars, j'ai vu me voir, c'est Boulette, c'est un ami à moi là qui vous a donné le téléphone. Ouais, c'est Boulette là. Cet enfoiré là, il fait tout le temps des blagues comme ça. Là. Ah bah c'est lui qui a dû balancer ton numéro de téléphone, hein, parce que nous on l'a pas trouvé par hasard. Ouais, bah à cause de lui, bah franchement, il m'a poussé à bout, j'étais énervé, j'ai pété mon iPhone. Voilà. Ah bon, écoute, bah, c'est pas grave, hein. Bon, c'est pas grave, hein. Je le pardonne. Hein. Toz. Oh, c'est gentil, merci. Ouais, ouais. D'ailleurs, Toff, chien de la casse. Voilà. Ouais, c'est un gros chat de la casse. Hein. Merci. Ouais, c'est vraiment un gros foiré, lui. Hein. Je vais te le repasser, tu vas pouvoir l'insulter aux antennes à ta guise. D'accord, ça marche. Tu vois, nickel. Bon, salut Saladin en tout cas. Merci beaucoup d'avoir participé involontairement. De rien, maintenant, je vous écouterai de temps en temps. Ah, c'est gentil, ça fait plaisir, Saladin, c'est cool. Allez, à bientôt, Saladin, bonnes vacances. Salut. Ciao à toi. Bon, balancez pas, putain. Ils sont roulants. Quand vous reconnaissez un pote, balancez auprès des autres potes, mais faut pas nous tuer le truc, là. Putain, on a perdu, Reste tranquille. Et là, on a perdu le chien de la casse. Ah, putain, on perd tout, là. Putain, ils sont relous. Eh, vous savez, c'est difficile de trouver des gens comme ça. Oui, en plus, je t'encule en brochette, c'est lui. Non. C'est pas la brochette. Dieu merci. Mais la brochette, il décroche plus. Là, ça fait deux jours que j'essaie de l'appeler. Je suis en brochette. Je suis enculé. J'espère qu'il est juste parti en vacances. Ouais, peut-être qu'il est en vacances. Ouais, faut pas s'inquiéter, je pense. Hein. Bon, retour avec Sam dans un instant. Jérém pour le jeu de la piscine. T'es là, Jérém? Oui, je suis là. Salut, Jérémy de Lyon. Comment ça va, le Lyonnais? Oui, ça va, tranquille, ça va. Ça va, tranquille. Bon, Jérém, on va sur le jeu de la piscine dans quelques minutes. Tu restes là, bouge pas. Ça marche, y'a pas de soucis. On va prendre Sébastien aussi qui est avec nous. Salut Séba. Oui, salut tout le monde. Oui. Ça va et toi, Séba? Ça va, tranquillement. Bon, très bien. Coupe bien ta radio, enlève le kit maillot, plus ça, hein, Sébastien, c'est de l'écho là. T'as encore 2-3 minutes, t'inquiète, Sébastien. On va se mettre le son de R.I. Strefi, on se fait le jeu de la piscine, je te reprends juste après. On va parler de mauvais dentiste avec toi, Sébastien. Et puis, en gros, dites-nous si vous avez déjà eu des galères avec les médecins, genre vous êtes fait. Ça a été pire que mieux au final quand vous vous êtes sorti de là. Hein. Appelez-nous au 01 40 71 5000, 1h11. On est au cœur de la nuit sans pub, c'est Mickaël sur Énergie. Bienvenue sur la première radio de France. On est là toutes les nuits, tranquillement, en direct, et on se fait le son de R.I. Strefi maintenant sur Énergie. The nurses buns bun, dun dun. Bet you wanna taste it, bun bun. Bet you wanna taste it. Get the chitty dun dun dun. King of the- Soprano carré dans un instant et Dioro. Que vous soyez dans la jungle amazonienne, dans un temple zen, dans une caravane ou dans un camping, la meilleure chose à faire pendant vos vacances, c'est d'écouter Mickaël sur Énergie. De minuit à 3h. Et on est en direct justement, minuit, 3h. On est là toute cette semaine de minuit à 3h et toute la semaine prochaine de minuit à 3h également. Et on sera là à partir du 18 juillet pendant toutes les vacances de 20h à minuit. Voilà, faites passer le message, comme ça au moins vous aurez une petite soirée tranquille. Hein. Cela dit, si continue à faire un temps dégueulasse comme celui-là, vous serez bien content d'être là. Hein. Alors que je vous connais, hein, je sais très bien que si jamais il fait 30 degrés, qu'il n'y aura plus personne le soir. Hein, vous serez tous en train de en mode barbecue, ouais. En mode apéro, et puis nous on sera là, là, et voilà, personne va venir nous déposer un petit mojito. Je le sais bien, mais c'est pas grave, on sera quand même là pendant tout l'été, justement de 20h à minuit. Bastien qui dit, je t'écoute, à l'écoute la famille, salut Bastien. Si c'est le même chien de la casse que le baise en brochette, je disais, il disait aussi, je vais te faire gicler comme un furoncle jusqu'à la tour Eiffel, c'est Arnaud. Non mais apparemment c'est pas lui c'est un autre. Heureusement on a pas tout perdu non plus quand même. Hein. Putain excellent, je suis mort de rire, Polo je te kiffe, tu me fais triper, bisous à toute l'équipe, c'est Kaline du 36. Oh Kaline, envoie-moi ta photo à POLO. Énergie.com. N'hésite pas. Salut les gars, ça va, c'est Michto. Je suis d'accord avec Maxwell, bande d'enfoirés. Et on dit salami ou sadine et non saladin. Ah là là. Les mecs les plus vulgaires qu'on ait rencontrés dans notre vie qui nous donnent des leçons. N'importe quoi. Et la friterie Alba qui dit salut, je suis là, comment ça va? Bon, on va plutôt pas mal, la friterie Alba. Merci à toi d'être là justement. Jérémy, avant de continuer à parler de médecins avec lesquels vous avez eu de mauvais souvenirs, on va dire, hein, de mauvaises expériences. On va se faire le jeu de la piscine maintenant avec Jérém de Lyon. T'es toujours là, le Lyonnais? Allez, ouais, je suis là. Parfait. Alors, on va se faire le jeu maintenant, jeu de la piscine. Le principe, très simple, donc. Je vais montrer des mots à Toff. Hein, on a des dessins sur des feuilles. Lui, à la tête sous l'eau, d'accord? Et le principe du jeu, c'est que bah il va tenter de te faire deviner les mots alors qu'il aura la tête sous l'eau, ok? Si tu arrives, il va falloir que tu trouves le mot, forcément au moins 3 pour gagner. Et tous les auditeurs d'énergie, enfin ceux qui veulent participer évidemment, vont tenter bien sûr de te faire perdre pour que eux puissent gagner forcément. Donc si un auditeur trouve la réponse avant toi, il envoie, préparez bien votre message à l'avance, hein, vous mettez Mickaël, espace, votre numéro de téléphone, espace, la réponse, vous mettez Mickaël et votre numéro de téléphone, préparez le message à l'avance, comme ça vous n'avez qu'à mettre la réponse et envoyer, c'est plus simple, et vous enverrez ça au 612, c'est par SMS, nous, ça arrive sur l'écran dans le studio, si on voit qu'il y a une réponse, une bonne réponse qui arrive avant que tu la donnes toi, Jérémy, c'est le groupe des auditeurs qui gagne le point. Si les auditeurs, enfin si les groupes des auditeurs arrivent à 3 points avant toi, c'est l'équipe des auditeurs qui gagne. Évidemment, on va pas offrir un cadeau à tous les auditeurs parce que sinon on ferme la boutique, mais du coup à ce moment-là, on sélectionnera un des auditeurs qui aura participé et on l'appelle en direct pour lui offrir le cadeau. En l'occurrence, une tablette Arcos ce soir. D'accord ? Allez, écoute, je pense que tout est dit là. Hein. On va se faire le jeu maintenant. C'est quoi le thème C'est Zoom Zoom. Comment ça, Zoom Zoom? Zoom Zoom, c'est la chanson de Maître Gims. Ah oui, d'accord, ok. Ah oui, d'accord. Donc c'est tout ce qu'il dit dans sa chanson, quoi. C'est ça. Ah ouais. Tu connais bien Maître Gims ou pas, Jérém? Oui, je connais. Bon, bah ça va peut-être t'avantager alors. En tout cas, j'espère pour toi. Bon, allez, on y va, c'est parti. Premier mot à découvrir, j'envoie Toff dans la piscine. C'est parti. On comprend rien, Toff, articule. Articule. Quand tu veux, Jérém, tu peux jouer aussi. Hein. Ouais. Ah, bah il y a Mounir qui a trouvé, c'est Benzema. Ouais, il y avait une ouais, c'était un thème, c'est Zoom Zoom, la chanson de Maître Gims quand il cite les noms, notamment Benzema. Karim Benzema. Très bien, oui. Jérémy, tu t'entends qu'on te parle ou t'es sourd? Non, il entend. Ah d'accord. Il est un peu plus fort dans le téléphone. Bon, très bien. Ça marche, j'ai pas mis le volume. Ouais. Ah bah voilà, mais plus fort. Bon, allez, bravo donc à Mounir qui était le premier à trouver Benzema. Il y avait d'autres réponses qui étaient arrivées. Il y en a qui proposaient Zoom Zoom. Ben non, c'était un indice, Zoom Zoom. Bravo à Emilien aussi qui avait trouvé, bon, Mohamed aussi. Volkswagen, quelqu'un a proposé, je vois pas le rapport. Benzema, Volkswagen. Oui, bah oui, c'est pareil. Quand même à l'opposé total. Mais il y a un lien. Ouais, vite fait quoi. Oui. Bon, allez, deuxième mot à découvrir. Attention, où est-ce qu'il est? Allez, c'est parti, on y va. Écoutez bien et les auditeurs, vous envoyez Mickaël espace votre numéro de téléphone et la réponse au 612. C'est parti. Et hop là, bravo à Max qui vient de trouver. Alors, ouais. Pogba. C'était Pogba. Ah, Pogba. Benzema. C'est Paul ça. Pogba. C'est comme ça qu'il fait Gims. Bah ouais, si tu veux. C'est dur. Hein. Ouais, je sais bien. Bon, ça fait 2 pour les auditeurs, 0 pour toi. Hein. Ouais. C'est difficile. Hein. Il va falloir sortir la tête de l'eau maintenant, Jérém, là. Hein. Ça commence à devenir urgent de chez urgent. Bon, allez, on y va. Peut-être le dernier mot, si les auditeurs trouvent, c'est l'équipe des auditeurs évidemment qui aura trouvé. La marque qui aura gagné, pardon. De quoi? La marque ou le modèle? Oh, comme tu veux. Allez, hop. Donc, c'est une voiture à découvrir. Hein. C'est l'indice qu'on vous donne maintenant. Allez, c'est parti, on y va. Pagani, c'est pas ça, non, c'était bien essayé, mais non. Proposez pas, tu lui dis non. Bugatti, c'était trouvé par Arnaud du 68. Ah, et bah voilà. Tatoune également qui avait trouvé Bugatti. Ah, un autre message qui est arrivé. Porsche pour Ghost, non, c'est pas ça. Panamera, c'est vrai qu'il cite Panamera, il cite Porsche, il cite Bugatti. Benzema, Paul Pogba, etc. Payet, non, c'est pas ça non plus. Bon, bah bravo du coup aux auditeurs. Hein, bravo à vous qui avez participé. Joana qui retente avec Volkswagen. Elle se dit qu'un jour ou l'autre ça sortira. Hein. Oui, ça continue. Mais il n'y a pas Volkswagen dans la chanson. Non, je crois pas. Et Julie qui dit est-ce que c'est Mercedes? Non plus. Bon, Jérém, merci pour ta pêche en tout cas. Hein. Mais il n'y a pas de souci, au moins on aura permis à un auditeur de gagner. Bah, pas toi en l'occurrence. Hein, c'était pas le but, c'était que tu gagnes toi, Jérémy. Ouais, après c'était mieux pour toi. Mais bon. Mais ouais, j'avais plus la chanson. C'est pas grave, t'inquiète. Bon, salut Jérém. Heureux de vous avoir eu en tout cas. Ah bah écoute, nous aussi, pas de problème. Salut, bonne nuit, bonnes vacances, à bientôt Jérém. À tout l'arbre, le bullier et tout le coin. Ça roule, message passé, à bientôt Jérém, ciao à toi. Allez, merci, ciao gros, bye bye. On va prendre ce Karim dans un instant, Sébastien, Sam également, puis vous toutes et vous tous en direct, hein, 01 40 71 5000, numéro du standard pour nous appeler. On écoute Sopra, je l'ai promis, on se l'écoute tout de suite, tiens, avec le diable ne s'habille plus en Prada, donc Tof qui lui va le remplacer le diable, hein, car lui-même s'habillera dorénavant en Prada. Allez, passez une bonne nuit tout le monde. Monsieur, avant ma chute, j'étais vraiment riche et heureux. J'étais le plus grand conseiller des hommes, même en haut lieu. On faisait appel à mes services pour prendre malheureux. Monsieur, tout le monde signait avec moi en fermant les yeux. Sur terre, le péché est un business fructueux. Je faisais mon chiffre en vendant le désir et le feu. Oui, le malheur des uns fait le bonheur du plus véreux. J'offrais le pouvoir au portefeuille de plus généreux. Mais l'époque a changé. L'époque a changé. Les hommes n'ont plus besoin de moi. Oui, l'époque a changé. L'époque a changé. J'ai tout perdu depuis que les hommes font bien pire que moi. Le job s'habille plus en Prada. Le job s'habille plus en Prada. Les hommes lui ont fait les poches. Lui ont pris sa femme et ses gosses. D'emprise sur le globe depuis qu'on lui a pris son job. Non, le job s'habille plus en Prada. Le job s'habille plus en Prada. Les hommes lui ont fait les poches, lui ont pris sa femme et ses bosses. Il n'a plus d'emprise sur le globe depuis qu'on lui a pris son job. Monsieur, les hommes d'aujourd'hui ont dépassé tous mes vœux. Certains exercent leur folie meurtrière au nom de Dieu. Le pétrole est une raison légitime pour mettre le feu. Certains pays rétrécissent, mais bon, restons silencieux. Malgré sa richesse, la l'Afrique a toujours un creux. La télé m'a volé l'éducation de leur morveux. Internet brûle les neurones beaucoup plus que la beuh. L'enfer n'est plus chez moi, mais bel et bien chez vous, monsieur. Mais l'époque a changé. L'époque a changé, l'époque a changé. J'ai tout perdu depuis que les enfants bien pire que moi. Le job s'habille plus en Prada. Le job s'habille plus en Prada. Les hommes lui ont fait les poches, lui ont pris sa femme et ses gosses. Il n'a plus d'emprise sur le globe depuis qu'on lui a pris son job. Non, le job s'habille plus en Prada. Oui, l'élève a dépassé son maître. Oui, l'élève a dépassé son maître. Oui, l'enfer est bien plus gros sur terre. Depuis que les hommes font pire que Lucifer. Oui, l'élève a dépassé son maître. Oui, l'élève a dépassé son maître. Oui, l'enfer est bien plus gros sur terre. Depuis que les hommes font pire que Lucifer. Allez, bonne nuit tout le monde, 1h25. Il y a évidemment les appels mal intentionnés. On va remettre le couvert dans 5 minutes là. De minuit à 3h. Mickaël. Et sur Énergie. Bah oui. Et puis on va également écouter le son de Diro qui va arriver dans quelques minutes. Et je vous mettrai aussi James Bay, tiens. La maison préférée pour l'instant, tiens. André Perginiac qui dit moi j'insulte souvent mais je regrette toujours ensuite. Bah, heureusement tu le diras, hein, c'est le principal. Le mieux c'est d'arriver à te contrôler, mais bon. Et Mike aussi qui dit Toz le gayman fond de couille. Voilà, c'est ça, c'est lui. Yuna aussi, super nuit, coucou de Laval. Salut Yuna, gros bisous aussi. On va reprendre. Où est-ce qu'il est ? Sébastien, voilà, c'est lui que je devais prendre. Salut Sébastien, et il y a toujours Saladin dans le standard. Je sais pas, toi, si tu veux faire une petite partie avec lui ou comment ça se passe? Non, ça va. Ah, mais si, il attendait parce que j'ai dit que j'allais te le repasser. Ah, il allait pouvoir t'insulter à loisir. À foison. Très bien, je le prends. Ah, bah voilà. Bon, Sébastien de Perpignan, donc 39 ans. Oui, bienvenue, voilà. Sébastien. Comment va le soleil? Très bien. J'imagine. Toujours le soleil, bon, un petit peu de vent, mais bon, ça va. Oh, bah, ça va. Oui, bah, vous n'allez pas vous plaindre non plus, hein, pour le mais vent. Oui, non plus, non. Hein, parce que bon, je sais pas si vous avez vu la gueule de la météo dans le nord. Hein. Oui, voilà, donc nous, on se plaint pas, il n'y a pas de problème. Ouais. Je viens de regarder sur l'appli en me disant, bon, il y a un moment où ça va se dégager, quoi. Mm-hmm. Bah non, là, j'ai regardé sur l'appli jusqu'au 13 juillet, c'est de la merde. C'est dingue. D'accord, non, mais c'est dingue. On est bien. 13 juillet, c'est un temps de merde. Dans le nord, en tout cas. Hein, dans le sud, vous avez de la chance. Mais, enfin, non, c'est normal. Mais il fait même pas un peu beau la semaine prochaine? Que dalle. Si, ouais, il va y avoir quelques éclaircies. Il va faire 20 degrés, mais voilà. Parce qu'on a le carouage, quoi. Il y a, enfin, il y a le carouage la semaine prochaine. C'est vrai, oui. Ah, et toi, c'était engagé, hein. Ouais, bah, on va le faire. C'est vrai? Parce qu'il y a l'auditrice qui... pour le moment, j'essaie de l'organiser, mais là, s'il pleut, ça sert à rien de laver la voiture, quoi. Bah, on s'en fout, c'est un prétexte. Il est con, lui, il va avoir la voiture propre. Bah oui, pour une fois qu'elle sera propre. Il va venir laver la voiture en mode sexy. Non, mais elle va pas se rendre malade pour laver la voiture. Mais on fait ça dans un garage. Bah oui, où ça? Bah ici. Ici, non. À la radio. Non, mais voilà, il y a des garages. Ah bah oui, ils vont être d'accord à la sécu. Ils vont kiffer. Ouais, je suis sûr que amener comme il faut, je pense qu'ils peuvent regarder. On va négocier, on va voir. On a une auditrice la semaine dernière qui est passée pour dire qu'elle voulait se faire un peu d'oseille pour arrondir ses fins de mois. Et donc, je sais plus si c'est Toff qui avait proposé ou si on l'avait engrainé là-dessus. Qu'il paye. Donc, tu m'as engrainé. Qu'il la paye pour qu'elle lave sa voiture en mode sexy. Donc, pas genre à poil, hein, on n'est pas des connards non plus. Enfin, si elle veut le faire, bien évidemment, elle peut. Hein, mais non, elle m'a dit qu'elle était d'accord, mais juste pour moi. Oui, bah pour toi, on mettra des GoPro. Non, juste pour moi. Non, je suis sûr, si je lui parle, il y a moyen que nous puissions assister pour sa sécurité, hein, avec Polo. Pour la sécurité de l'auditrice. Et bah, vaut mieux qu'on assiste parce qu'on sait jamais. Toff est capable de perdre franchement, ouais. Tout contrôle. Surtout que je te rappelle. Ah oui, elle se mange. Ah ouais. Hey, comme par hasard, tu fais ça quand il n'y a plus le ramadan. Ah ça. Oui, tiens, c'est bizarre. Étonnant. Quel connard alors. Parce que je rappelle que Toff a décidé de faire le ramadan pour voir ce que c'était. Il n'est pas musulman, mais il avait envie d'essayer. Et là, ça fait depuis le début du ramadan qu'il tient le coup. Hein. Ouais, sauf une journée, parce que sa mère est tombée dessus. Il y a une petite faille. Mais sinon, hormis ça s'est bien passé. C'était pour éviter un conflit familial. Ouais, c'est ça. Bon, Sébastien, alors raconte un petit peu. T'as été voir un médecin et ça s'est mal passé? Oui, donc en fait, à l'époque, j'étais gardien de la paix. Ouais. Et en fait, j'ai fait des visites de contrôle chez un dentiste, donc jusque-là, tout va bien. Jusque-là, tout roule normal. Et puis, avec le temps, j'avais comme une petite boule de graisse en fait, qui se formait en fait, sous la mâchoire. D'accord. Donc, je suis allé consulter à l'hôpital, aux urgences. Aux urgences, ils m'ont dit ce n'est rien. Vu le travail que je faisais, donc c'était gardien de la paix. Donc on m'a dit c'est sur une intervention, peut-être un coup mal placé que j'aurais pas senti. Donc on m'a simplement dit prenez deux Doliprane, ça va passer. Donc suite à ça, je me suis exécuté, j'ai pris les Doliprane. Mais ce que j'aime bien, c'est en général les messages, prenez Doliprane, ouais. Aspirine, Dafalgan, ou alors c'est ça doit être le stress. Ouais, ou tout vient du stress. Pas, mais bon. Vrai, hein, il y en a plein qui disent oui, mais ça vient du stress. T'as la mal à la nuque, à la tête, c'est le stress parce que ça remonte comme ça. Oui, j'ai mal aux pieds, oui, mais c'est le stress. Oui, oui. Bon, et vas-y, continue du coup, Seb, on t'a interrompu. Hein. Et donc après, j'avais toujours la boucle quoi, qui commençait à grossir, donc je suis allé voir mon médecin traitant, médecin traitant qui lui aussi est resté sur le carreau parce qu'il m'a dit écoutez, clairement, je ne sais pas ce que vous avez. Donc il m'a envoyé faire des analyses. C'est sympa ça aussi, tu vas chez le médecin, je ne sais pas. Donc il a été clair, hein, donc il m'a pas raconté de conneries. Et donc après il m'a envoyé faire les analyses, donc je suis allé faire les analyses. Donc réponse des analyses, une semaine d'attente. Donc entre temps, moi j'avais encore cette boule là qui commençait à grossir encore. Bon, ça me prenait vraiment toute la mâchoire quoi. Et je ressemblais vraiment à Elephant Man juste avant de me faire opérer. Et puis vu que ça commençait ça continue à grossir, je suis allé voir mon dentiste. Ouais. Le dentiste, quoi, qui me dit, écoutez, je vais vous ausculter, ouvrez la bouche. Déjà, c'était tellement enflé que j'arrivais même plus à ouvrir la bouche. Donc là-dessus, il m'a dit, écoutez, moi, je peux pas vous ausculter. Je vous prescris des anti-inflammatoires et puis un autre médicament, en fait, pour faire désenfler. Mais ce qu'il savait pas, le dentiste, c'est qu'en fait, les deux médicaments, en fait, n'étaient pas compatibles. Ah, putain, oui. Et ça, après, je l'ai appris. Tu l'as appris à tes dépens? Par un ORL. Et en fait, c'était une carie en fait, qu'il ne m'avait pas vue, qu'il ne m'avait pas soignée, qui s'était infectée. Et l'infection, en fait, s'est propagée dans le sang. Ah oui. Voilà. Donc, en fait, ça s'appelle une cellulite cervicale. C'est mignon comme nom. Voilà, ouais. Ah ouais. Et donc en fait ça a commencé comme ça. Les médicaments en fait que m'a prescrit le dentiste en fait ont accéléré en fait la propagation de l'infection. Et donc je me suis retrouvé vraiment un jour où j'avais vraiment tout le côté gauche du visage qui était vraiment enflé de partout. Hein, et c'est un soir en rentrant du commissariat où ma copine qui m'a dit non, c'est bon, tu peux plus rester comme ça, donc maintenant je t'amène. Mais ta gueule, moi je suis sorti avec un beau gosse, c'est pas pour avoir un mec déformé. Il faut absolument qu'on aille. À l'époque j'habitais à Orly, donc elle m'a dit je t'amène à l'hôpital du Cadet, au Kremlin Bicêtre. Et donc arrivé là-bas, vu par l'ORL de permanence, et puis on m'a dit écoutez monsieur, vous posez toutes vos affaires, vous restez là, on vous transfère à la Riboisière, donc on vous opère demain matin en urgence. Oh là là, putain, tu imagines quand même, t'as parfois des trucs. C'est ouf. Donc le lendemain matin, transféré à la Riboisière, ils m'ont opéré, ils m'ont gardé quand même deux semaines en coma artificiel. Ouais. Quoi donc, ah putain quand même. Oui, deux semaines. Deux semaines sous coma artificiel parce que j'étais intubé de partout. En fait, ils m'ont résorbé l'infection par la dent que j'avais infectée. Ah ouais. Au lieu de me faire une petite incision en fait au niveau de la mâchoire, ils ont préféré me résorber l'infection en fait par la dent qui était infectée. J'ai été intubé, ça a pris un temps monstre quoi. Comme j'étais intubé de partout, donc ils m'ont gardé deux semaines quoi sous coma artificiel pour éviter que je me réveille et que je rage tous les tuyaux. Et puis voilà, donc suite à ça, donc l'ORL qui est venu me voir après l'opération m'a dit bah, écoutez, c'est très simple, si vous attendiez deux jours de plus, on ne pouvait plus rien faire. Ah oui. Ouais, donc heureusement que ta meuf, elle t'a envoyé. Donc oui, voilà. Ouais, donc, tu lui dois la vie, quoi. Heureusement, parce que moi, après, bon, voilà, je faisais confiance aux médecins. Je pense que, bon, ce sont quand même des personnes assez, assez compétentes. Donc, je pensais qu'ils savaient ce qu'ils faisaient. Ça reste des êtres humains. Et ouais, puis, c'est clair. Voilà. C'est sympa, ouais. Donc, en fait, ouais, je dois la vie, en fait, pas aux médecins, mais surtout à ma copine, quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Parce que si j'attendais deux jours, comme même, j'étais prêt à attendre beaucoup plus longtemps. Hein. Donc, voilà, si j'avais attendu ces deux jours de plus, là, ben, c'est bon, j'étais cuit, je pouvais plus rien faire. Putain, bah écoute, t'as eu de la chance. On ne parlerait pas ni quoi que ce soit. Putain, c'est un truc de ouf quand même. Et voilà, j'ai la vie qui a tenu à deux jours. Bah c'est clair, y a pas grand chose. Hein. Bah écoute, bah, merci non. Sébastien. Comme quoi, hein, quand ben, vous avez. Voilà. Après, il faut pas devenir parano non plus, mais il faut pas non plus être trop laxiste en disant c'est rien. Bah si, à un moment, tu sais, parfois t'as des cancers qui démarrent. Je veux pas vous foutre les boules, mais je parle pour les filles par exemple. Tu sais, quand t'as une espèce de petite boule au niveau du sein sur le côté ou n'importe quoi. Bah, allez vous renseigner, tu vois, parce qu'il y en a parfois qui traînent en disant ouais mais c'est rien, ça doit être rien. Et puis bah tu sais, les cancers en règle générale, tu peux les soigner quand c'est fait, quand c'est pris très tôt. Donc si vous, dès que vous vous en rendez compte de quelque chose, allez voir un médecin. Il va pas se foutre de votre gueule parce que vous avez été le voir. Non, et puis lui ça lui rapporte 30 balles, donc il est content. Non mais voilà, mieux vaut le faire un peu trop rapidement que trop tard, parce que franchement voilà, mais il faut pas devenir parano non plus. C'est pas parce que vous avez mal au crâne que vous avez d'office un cancer du cerveau. Voilà, devenez pas ouf non plus. Mais voilà, méfiez-vous quand même. En tout cas, merci Sébastien. Et puis bah, ravi que tu sois encore parmi nous du coup. Hein. Eh ben voilà, je croise les doigts. Et puis bon, que ça continue comme ça. Hein. Bah j'espère. Bon bah en tout cas, à bientôt. Et tu rappelles quand tu veux, Sébastien. Bah écoute, je voulais vous dire que vous êtes géniaux. Et puis moi je travaille de nuit. Donc franchement, je vous écoute. Ça fait un an et demi que je vous écoute. Et puis heureusement que vous êtes là, les gars. Et bah c'est gentil. Merci beaucoup en tout cas. Voilà. Salut à toi, Seb. Bon courage, les gars. Merci à toi, bye bye. On va appeler le gagnant ou la gagnante aussi du jeu de la piscine qu'on a fait avec la tablette Arcos qu'on offre. On récupérera Mickaël, Sam et Karim juste après. Et puis on va aussi se faire les appels mal intentionnels. On n'est pas à la bourre. Ça va aller. Ça va aller. On n'est pas à 5 minutes non plus en même temps. Il y a Dioro qui arrive. Et James Bay. Allô ? Bonjour, comment tu t'appelles ? Ah, salut, c'est Emilien. Emilien, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Ah bah salut Emilien, t'as quel âge, dans quelle ville, dis-moi? J'ai 22 ans et j'habite à IC, là, à côté de Nantes. Ah bah très bien, bah écoute le Nantais, alors Emilien, t'as trouvé quel mot au jeu de la piscine? Bah j'ai trouvé les trois. Ah bah t'as trouvé les trois, eh bah du coup, c'est gagné, bravo. Ah bah merci beaucoup. Eh bah voilà Emilien, avec grand plaisir, hein. Du coup tablette Arcos pour toi, tu vas rester chez Valentino Standard, on va prendre tes coordonnées, on va t'envoyer ça rapidos, tout simplement. Bah nickel, merci. Bah avec plaisir. Bah, merci beaucoup. Tu joues souvent ou c'est la première fois? Non, je joue de temps en temps comme ça, puis là, ouais, putain, c'est. Ouais, voilà. Je suis étonné, là. Bah, tu vois, comme quoi ça marche, hein. Bah, tu vois. Pas de problème. Ouais, j'étais en train de vous écouter, bah, nickel. Bah, écoute, avec grand plaisir. Bah, passe une bonne nuit, en tout cas. Bonnes vacances si t'en as, et puis tu rappelles quand tu veux. Bah, merci, Mickaël, et puis, bah, ouais, bonjour à toute l'équipe. Ça marche. Salut à toi, à bientôt, Emilien. Merci. Ciao. Bye bye. Salut. Et bah, voilà, comme ça peut fonctionner aussi à tout moment, hein. Attends, on est le 30 juin. Dans moins de 24 heures, nous sommes le 1er juillet. Ouais, t'imagines un peu, 1er juillet déjà, truc de ouf, ça passe tellement vite. 1h37, on écoute le son de Dioro et on revient juste après sur NRJ. Bonne nuit tout le monde. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Despacito, mami, yo sé que te va a encantar. Mueve, dale, vamos. Sino jodas. bienvenue sur Énergie, il est 1h39, on est en direct. On change d'horaire. Alors suis-nous de minuit à 3h. Mickaël. Mickaël. Et sur Énergie. Allez, toujours là, 1h39 donc, il appelle mal intentionné avec l'été, hein, qui bon, je serais tenté de dire qu'il arrive, même si on est déjà dedans. Il arrive. Il se laisse attendre, hein, surtout dans le Nord. Donc ça vous donne envie de faire l'amour, paraît-il. Donc il y a une étude, hein, 68% des couples font plus l'amour en été qu'en hiver. Donc Tof, tu vérifies ça depuis tout à l'heure? Bah oui, allons-y. Allez, hop, 1h40 du mat, on est un peu à la bourre. On va appeler des gens maintenant, on va vérifier si effectivement c'est le cas, grâce au numéro que vous envoyez comme toutes les nuits sur le mail de Tof, toph@energie.com. Allez, on y va, c'est parti. Allô. Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, je vous appelle parce que je voulais savoir si vous avez plus envie de faire l'amour en été. C'est-à-dire, je comprends pas. Bah, est-ce que en été vous avez plus envie qu'en hiver? Je comprends pas la question en fait. Bah, c'est simple pourtant. Est-ce que par rapport à l'hiver, vous avez plus envie d'avoir des rapports sexuels? Bah, écoutez, pour mon avis perso, c'est s'il y a pas d'été, il y a pas d'hiver. Si on a envie de baiser, on baise, je sais pas. Oui, d'accord. Mais est-ce que quand il fait beau, vous avez plus envie que quand il fait mauvais? Ouais, vous êtes qui alors? Tof, monsieur, je m'appelle Tof. Tof, vous sortez d'où? De Paris. Et comment vous avez eu ce numéro? 118-218, monsieur, toutou youtou. Ok, bah toutou youtou, vous foutez dans le cul, vous me laissez tranquille. Oh non, monsieur, non, pas de ça entre nous, enfin. Bah écoutez, moi, vous m'appelez pour avoir un débat sexuel, s'il vous plaît. C'est, non, je veux pas avoir un débat, monsieur, moi, je veux juste avoir une réponse. Ouais, écoutez, moi, je suis au boulot, là, moi, je peux pas vous parler. Ça va, c'est bien ou quoi? Bien, tranquille. Ouais, d'accord. Bien ou quoi? Ouais, ça va. Bah, tranquille. Vous pouvez juste me dire si vous avez plus envie ou pas, monsieur, ce sera très simple. Bah écoutez, moi déjà là vous me faites chier, vous voyez? Non, monsieur, donc, dites pas ça, c'est pas gentil. Bah écoutez, vous me posez des questions qui sont complètement stupides, qui sont totalement personnelles. Moi je vous ai dit, on a envie de baiser, on baisse, bon, on arrête là. Oui, voilà, oui, ça j'ai bien compris. J'ai bien compris que quand vous avez envie, vous le faites. Pourquoi vous continuez? Je veux juste savoir si vous avez plus envie en été qu'en hiver. Mais écoutez, écoutez, vous savez quoi? Non. Vous savez quoi? On va couper court. Vous bah rendez-vous petit cul et je vous baiser en été et en hiver. Ça vous non, va comme ça? Non, monsieur, non, ça ne me va pas du tout. Bon, bah alors, bah vous cherchez quoi là? Vous voulez quoi? Bah, une réponse à ma question, monsieur, arrêtez de vous énerver pour rien. Je vous ai répondu trois fois là. Qu'est-ce que vous avez non, pas Non, vous n'avez pas répondu, monsieur. Vous essayez de répondre à côté, vous faites semblant, vous faites des chichis, mais vous ne répondez pas à la question. Ah, je fais des chichis en plus. Moi, je fais des chichis en plus. Bah oui. Ok, bah écoutez, moi je vous ai dit, ramenez votre petit cul en hiver, vous baiserez pareil. Ramenez votre petit cul en été, vous baiserez pareil. Oui. Ça vous va comme réponse? Non, pas du tout, monsieur. Je veux savoir quand est-ce que vous avez le plus envie, c'est tout. Là, j'ai envie de vous baiser, là. Là, actuellement, un peu tout de suite, là. On oui. Fait comment? Bah, je sais pas, monsieur, parce que moi je suis très loin de vous. Bon, bah, vous voyez, vous me posez une question, vous n'êtes pas foutu de me répondre, donc on arrête là. Bah, non, monsieur, moi je veux bien vous répondre. Vous avez qu'à venir chez moi, je vous donne l'adresse, vous passez, y a pas de problème. Écoutez, là je suis au boulot, moi j'ai pas le temps de parler avec vous, là on va couper court, je vais raccrocher, ça vous va? Bah non, ça me va pas du tout, monsieur. Bon bah écoutez, moi je vous dis au revoir et puis bah, amusez-vous bien. Allez, bah, non monsieur, j'étais obligé de vous rappeler. Non, ma réponse c'est votre bite dans votre cul. Mais, non, mais c'est nickel ça. Mais pas du tout, monsieur. Je m'appelle Tof. Ouais, Tof, ouais. Ok. Bon, monsieur Tof, c'est pas que je voulais vous manquer de respect ou quoi, mais là vous m'embêtez un peu, ok? Bah oui, mais et si vous répondiez à la question, travail, monsieur, là, on aurait pu raccrocher et puis on n'en parlerait plus. Bah ouais, bah je vous ai dit, y a pas besoin d'avoir des saisons pour pouvoir baiser. C'est pas compliqué, j'ai répondu à votre question là. Bah non, vous me dites qu'il y a pas besoin de saisons pour avoir baisé, ça je le savais déjà. Moi je veux savoir dans quelle saison vous avez le plus envie. Bah j'ai pas spécialement plus envie en hiver, j'ai pas spécialement plus envie en été, ça vous va comme ça? Eh bah voilà monsieur, il suffisait de le dire. Eh bah je sais pas, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Non, pas du tout monsieur, vous tourniez autour du pot, ça ne ressemblait à rien. Non, je tournais pas autour du pot, parce que là ce que je vous ai raconté, ça ressemble aussi à rien. On peut rater les conneries. Mais pas du tout, monsieur. Là, vous avez répondu à la question. On peut se souhaiter une bonne soirée, se faire des poutous. J'ai pas du tout répondu à votre question. J'ai répondu à côté, comme tout à l'heure. Sauf que j'ai un petit peu plus bouché le truc, c'est tout. Ah non, pas du tout, monsieur. Là, vous avez répondu. Vous m'avez dit que vous aviez pas plus envie en été qu'en hiver. Voilà. Quoi, tranquille ou quoi? Bien. Ouais, tranquille. Ouais, j'y vais alors. Bon, allez, on se souhaite une bonne soirée. On fait des poutous. Ouais, des poutous. Ouais, vas-y. Allez, salut. Bisous, hein. Ouais. Ça marche. Ouais. Alors, c'est bien. Au revoir. Ouais, et salut quand même, hein, du coup. Hein, voilà. Bon, bah, du coup, il nous a grillé, on appelle à l'autre. Bah oui. Bah oui, du coup. Hein, pas forcément. Vulgaire. Hein. Non, franchement, ça va rester. Respect. Mais c'est parce qu'il était pas vulgaire qu'on va rappeler à l'autre. Oui. S'il avait traité Tof de tous les noms, bah voilà, reconnu ou pas reconnu, c'est pas grave. On rappelle. Allô? Oui, bonsoir, madame. Bonsoir. Oui, bonsoir. Je vous appelle parce qu'en fait, je voulais savoir, est-ce que vous avez plus envie de faire l'amour en été? Non mais faut pas se foutre de ma gueule non plus. Mais je me permettrai pas madame. Moi je voudrais juste savoir si vous avez plus envie l'été ou l'hiver. Ça vous regarde si j'ai envie de faire l'amour? Bah oui, c'est pour ça non, que je vous appelle. Non mais franchement, non, ça vous regarde pas, je suis désolée. Bah, si, c'est pour ça que je non, vous appelle. Non, il me dit que non. Je l'écoute. Donc vous êtes qui d'abord? Je m'appelle Toff madame. Comment? Je m'appelle Toff madame. Ouais, donc vous appelez Toff. Oui. Donc déjà, vous avez eu mon numéro comment? Bah, encore une fois. 118-218, madame, toutou youtou. Est-ce qu'il y a 218-218? Non, non, je sais que c'est encore une connerie que vous me faites. Ouais. Mais non, pas du tout, madame. Non, bien sûr, derrière, il y a quelqu'un qui m'enregistre. Hein? Mais pas du tout. Comme la dernière fois, c'était mon neveu qui m'a enregistré. Faut pas se foutre de moi, hein. Je sais très bien que je suis enregistré. Hein. Mais pas du tout, madame. Moi, je veux juste savoir si vous avez plus envie de faire l'amour en été, c'est tout. Ben, je vous le dirai pas, ça vous regarde pas. Ma vie privée, je vais pas déclarer ma vie privée. Ça ne vous regarde pas. C'est pas de la vie privée, madame, c'est juste savoir si vous avez plus envie ou pas, c'est tout. Je le dirai pas, c'est tout. Ben, si, madame. Si j'ai pas envie de dire que qu'est-ce que je fais, d'abord mon homme, si vous voulez savoir, eh ben il se branle comme ça, voilà. Bah oui, mais je veux pas savoir s'il se branle, madame. Je veux savoir si vous avez plus envie de lui, c'est différent. Ça vous regarde pas. En disant ça comme ça, vous allez peut-être savoir ce que. Parce que je sais que derrière il s'appellerait pas un nommé Alban Chicard qui nous enregistrerait comme la dernière fois. Ah non, pas du tout, madame. Non, pas du tout, tiens. Et puis, comme par hasard... Mais non, moi, je suis tout seul dans ma chambre, moi, madame. Ouais, bien sûr. Ah, vous êtes tout seul dans votre chambre. Tiens, c'est bizarre, ça. Bah, pourquoi ce serait bizarre, madame? Bah, parce que on a dit à la personne qui enregistre derrière, chut, fais pas de bruit. Mais pas du tout, madame, parce que, en fait... Oh, mais non, bien sûr. Moi, je suis tout seul à la maison, maman, elle est partie travailler. Maman, elle est partie travailler? Oui. Ah ouais? Bah oui. Bah, je peux avoir le numéro de votre maman? Bien sûr. Alors, c'est le 01. Allô? Oui, je vous écoute. Ah, donc 01. Attendez, je note 01. 40. Combien? 40. 40. 71. 71. 50. 50. 00. 00. Bah, je verrai bien parce que je vais appeler votre maman et je lui demanderai. D'accord. Parce que je sais très bien que votre maman, c'est ma maman. Ah non, je crois pas, non. Ah bah si, non, si, si. Non, ma maman, elle s'appelle... Si. Parce que je suis persuadée de mettre sur un milieu chouette, là, Toff, hein, et puis je suis sûre que je vais être enregistrée. Mais oui, même parce que ma maman, c'est Maryse. Votre maman s'appelle comment? Maryse, elle s'appelle Maryse. Oui, bien sûr, elle s'appelle Marie. Non, Rise, Maryse. Oui, bien sûr, elle s'appelle Marie et puis... Maryse. Oui, bien sûr, je vais vous croire. Bah oui, j'espère bien que vous allez me croire, c'est son nom. Mais oui, bien sûr. Bah oui. Alban Chicard. Qui refait encore la même connerie. Parce que c'est bizarre comment vous avez pu trouver mon numéro en étant en liste rouge. En liste rouge, on n'a pas mon numéro comme ça. Mais oui, écoutez, votre mari, lui, il le sait comment j'ai trouvé le numéro. Mon mari, 118-218, ouais, c'est ce qu'il est en train de me dire. Mais c'est ça. 118-218. Tout. Donc c'est pas possible, non. Bah si, c'est possible, madame, puisque je vous appelle. Non. Ben oui, vous m'appelez parce que on vous a donné mon numéro. Parce que sinon, vous ne me trouverez pas. Ben si, madame, puisque je vous ai trouvé. Ben, parce qu'on vous l'a donné. Mais pas du tout, madame, moi je vous ai trouvé. Mais bien sûr, la marmotte a mis le papier dans le chocolat, dans le papier d'alu, et mange le chocolat. Mais bien sûr. Je suis pas sûr que ce soit dans cet ordre-là. Bah, bien sûr. Ouais. Bon, allez, répondez à la question, on n'en parle plus et on souhaite une bonne soirée. Merci, au revoir. Bah non, vous n'avez pas répondu, j'étais obligé de vous rappeler. Non, mais vous pouvez me rappeler, je vous répondrai pas à la question, c'est tout. Si, c'est pour ça que je vous appelle, madame. Mais non, j'ai pas envie de vous répondre, ça regarde que moi et mon mari, ça regarde personne d'autre, la vie privée. La vie privée des gens ne regarde personne. Moi, je ne vais pas vous demander est-ce que vous êtes marié, est-ce que vous avez des enfants, je suis célibataire, est-ce que vous êtes divorcé, non, est-ce que vous êtes, comment vous êtes chez vous, est-ce que vous êtes à poil, non, je suis en pyjama, j'ai mis mon pyjama Batman. Ah bon? Et moi, j'ai que l'oreille. Allez, répondez à la question, madame, on n'en parle plus, après on souhaite une bonne soirée, on se fait des poutous. Non, j'ai un pyjama comme l'oreille, go. Moi, je répondrai pas à la question, c'est tout. Mais passez-moi votre mari, alors peut-être que lui, il va répondre. Oui, il va vous répondre. Ah ben voilà. Bien sûr, je vous le passe. Merci. Allô? Oui, bonsoir monsieur. Non, parce que comme votre femme, elle est un peu chiante, je voulais savoir, est-ce que vous avez plus envie de faire l'amour en été ou en hiver? Les deux. Ah, les deux. Bah oui. Ah oui. Mais il y a bien une saison où vous avez plus envie d'elle. Bah les deux. L'hiver, c'est bon, il fait froid. Faut se réchauffer. Ah oui. L'été, faut qu'elle mange bien les glaces. Hein. Ah bah oui, évidemment, oui. Faut le corder à deux boules. Bah oui. Ah bah oui, évidemment. Eh ben parfait. Eh ben écoutez, vous embrasserez bien fort votre femme, monsieur, hein. Ouais. Bonne soirée, ouais. Allez, bisous, bisous, hein. Bisous, bisous, oui. Au revoir. Au revoir. Et bisous à votre femme. Y a pas de problème. Au bisous revoir. À la femme. Et eh ben voilà un couple sympathique. Oh là là. Oh, il y a rien. 118 218. C'est ça. Là. C'est 218 218. Oui, 218 218. Je l'écoute. C'est là. Allez, c'est là. En train de hurler à la mort là. Regarde, go. Complètement bourrasse. Bon, bien, du coup, on en appellera d'autres dans moins d'une heure, du coup. Avec plaisir. C'est Nantox qui dit putain, le vieux qui gueule derrière, c'est le 118 218. Oui, c'est ça, oui. Et Lorraine qui dit j'adore, bah, merci à toi, je dois filer la camaraderie, poutou poutou, c'est Seb de Quimper. Bah écoute, bon taf, Seb. Et Madison qui dit mes petits lapins, petite insomnie, donc relax, un bain, et Mickaël, et toute l'équipe, bien sûr. Et bah écoute, très bien, profite bien de ton bain, Madison, tout en nous écoutant, c'est bien. On va s'écouter James Bay maintenant, et puis on va récupérer Mickaël, Paul, Sam et Karim dans quelques instants. Il est 1h51, on est toujours au cœur de la nuit sans pub. C'est Mickaël sur Énergie, minuit 3h cette semaine et la semaine prochaine. Et dès le 18 juillet, on sera en direct toutes les vacances de 20h à minuit sur Énergie. To keep you close to me, but life got in between. Tried to square, not be in there, but said that I should have been. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so I can stop for a minute and see where you hide. Hold back the river, hold back. Once upon a different life, we rode our bikes into the sky. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river, so. 21h55, on est sur Énergie. Bienvenue, il y a Tal qui arrive et Mombi aussi dans un instant. Parce que quel que soit l'horaire, on changera pas. Énergie. Mickaël est sur Énergie. De minuit à 3h. Bon, bah oui, on est là, bien sûr. Mais sachez, j'ai failli perdre ma main à cause d'une dermatologue. Oh là là. Mais il y a vraiment des gens quand même. Il y a des oufs quand même. Mais c'est clair, c'est clair. Il y a Sam qui est avec nous à Nancy maintenant. Salut Sam. Ouais, salut Mika, bien. Ouais, bien et toi? Ouais, bah écoute, voilà quoi. Hein. Non, ça va pas alors visiblement. Ouais, bah non, bah un petit peu, marre. Bah du coup, j'appelais pour intervenir sur les médecins en fait. Ouais. Parce que moi, à 23 ans, j'ai voulu arrêter le cannabis et du coup, maintenant, je suis sous antidépresseur. Antidépresseur, sympa quoi. Ah bon, mais comment ça? Eh ben, en fait, il m'a proposé des cachets, il m'a prescrit des cachets. Et donc moi, la marque anciennement, je m'en souviens pas. Et maintenant, donc, je me suis retrouvé à prendre des cachets. Est-ce que je peux citer les noms ou pas? Le nom des... Bah oui, si tu veux, on s'en fout. Enfin, ouais. Bah donc maintenant, je me retrouve à prendre Exomil, Feresta et Valium. Ah oui, du lourd. Hein, ah oui, quand même. Ah ouais, ouais. Mais en fait, tu dors 10 heures avec ça. Bah disons que c'est ça, t'as l'impression que c'est l'effet du cannabis, mais sauf que ça te ralentit, voilà aussi. Et comme je disais aussi, de toute façon les médecins c'est des vendeurs de Smarties, hein, donc du coup je me retrouve là par exemple, je suis avec le CFS à 50, j'en suis à deux par soir quoi. Oh là là. Et alors mais comment ça se fait que tu dois prendre ça tout ça? Eh ben en fait donc comme je t'ai dit au départ c'était pour arrêter le cannabis et lui il m'a prescrit ça, bon la marque anciennement je m'en souviens pas. Il y a un message qui dit le Valium est pas autorisé en France. Bah si. Je sais pas, hein, bah, message qui est arrivé, c'est une ordonnance, le Valium si c'est connu. Je vérifie. Ouais, vas-y, je sais pas. Hein. Bon bref, et donc vas-y continue alors. Et voilà quoi, et donc maintenant je prends cette merde quoi, c'est voilà quoi. Putain. Donc si j'ai pas ça, bah je dors pas. Et puis donc sans compter que j'ai eu une vie de merde aussi, hein. Donc j'ai eu la rue, enfin auparavant donc père placé depuis l'âge de 3 ans puisque les parents étaient alcooliques, la mère en est morte à 7 ans. Enfin voilà quoi, j'ai eu des potes qui sont morts à l'âge de 20 ans. Et alors voilà, une belle vie quoi. Donc bon bah je dis pas que je prenais, quand je fumais je fumais pour ça, hein. Non, je fumais pour voilà quoi, comme quelqu'un qui fume un joint de temps en temps quoi, voilà, tranquille quoi. Et donc du coup que les potes partis, tu te retrouves à prendre toute cette merde et puis du coup tu cogites et mais en fait ça t'apaise et puis ça te c'est t'as l'impression quand tu marches c'est sur du coton, c'est là je sais pas si t'as encore mon départ, mais c'est sang, c'est tu vois. Ouais, mais j'imagine, mais alors il y a aucun traitement pour enlever ça? Non, il dit que le seul truc c'est réduire, mais même moi, tu vois, je prends 2,50 par jour le soir, et donc du coup j'ai essayé de passer à 2 à 1, et en fait le 1 que je vais prendre, il va rien me faire en fait. Mais t'as pas essayé ça, par exemple, de faire un truc, tu sais, plein d'activités pour essayer justement de sortir ça de la tête? Ouais, mais en fait tu peux pas parce que... donc déjà je fume aussi des clopes, du sport, voilà quoi, tu cours, moi j'ai commencé la clope, j'avais 9 ans, hein, donc 9 ans, je suis sérieux. Non mais Sam, c'est pas le problème, ça c'est le battant, c'est fait, c'est le passé, mais essaye, tu vois, de temps en temps on va faire, tu sais, en fait je pense que si tu t'occupes le cerveau il va ton cerveau il va à un moment donné c'est parce que c'est le cerveau, hein, qui est dopé, qui est hors de contrôle. Ouais, si tu fais plein de trucs, si tu fais du sport, si tu trouves une vraie passion, je sais pas, le théâtre. Ouais, j'en ai une de passion en fait, c'est les chiens, et donc là si j'ai un chien, et donc en fait c'est heureusement grâce à lui, tu vois, ça m'oblige à le sortir machin, tu vois, comment, donc c'est un chien, faut que tu le sors quoi, donc du coup tu vois quand même la journée, oui. Quoi, mais non, mais après c'est bien de t'occuper des animaux, mais il y a aussi un truc, tu sais, que c'est comme tu sais, moi je sais ce que je fais maintenant, enfin je l'ai toujours fait, mais je sais, tu sais, moi je déteste prendre les transports en commun, mais il y a un truc qui me fait focus et qui me fait contrôler, parce qu'en fait j'ai une obsession, tu sais, je regarde les gens, bon c'est un peu bizarre, et en fait moi, oui, ce que je fais, il a des délires paranoïaques, non, c'est pas de la parano, c'est que je lis des trucs, tu vois, un magazine ou un livre, ce qui fait que je suis dans le truc, et en fait je me rends même pas compte que j'ai voyagé quoi, que j'ai pris le train ou le métro, et ce qui fait que je si tu veux, mon esprit, il est concentré sur un truc. Tu devrais trouver un truc qui te permet de de changer. Ouais. Pour réagir à ce que tu dis, tu vois, depuis que je prends toute cette merde, et ben en fait, je suis devenu ce qu'on appelle, comment tu appelles les gens, tu sais, qui supportent pas la foule, quoi. Ah ouais, agoraphobe. Ouais. Et donc, du coup, à cause de ça, je suis devenu comme ça aussi. Eh ben, putain. C'est chaud, hein. Bah écoute, bah bon courage à toi, en tout cas, Sam. Hein. Ouais. N'hésite pas, tu nous rappelles et tout, à l'occasion, hein, il n'y a aucun, aucun souci, hein. Un gros big up je voulais faire à Apollo parce que franchement mec t'aurais dû être psychologue ou je sais pas, faut ouvrir un cabinet mais non je suis psychologue, j'ai le cabinet qui peut ouvrir, c'est les chiottes, t'as la parole tellement juste que voilà, quand tu conseilles les gens, quand je t'écoute et c'est tout beau. Non, si c'est vrai, non parce qu'en fait président c'est ce que j'ai expliqué. C'est ce que j'expliquais. Non, en fait, il a raison. Il a totalement raison. Ça mentez leur, ils adorent qu'on leur mente. On a un pote en commun qui s'appelle The Spanish. C'est que je lui expliquais, c'est que la différence, c'est pas que je dis rien en fait. C'est juste que je dis la vérité. Oui, c'est voilà, que si un mec, non mais c'est toi, c'est ça le philosophe. Non, c'est pas la parole du, ça a rien à voir avec la sagesse. C'est que par exemple du sale. C'est que si Tof par exemple, il a un t-shirt dégueulasse. Moi, je vais dire Tof, ton t-shirt il est dégueulasse. Les gens vont dire non, il est beau parce qu'il y a de la couleur. Tu vois? Parce que les gens mentent. Ils adorent mentir. Sauf si ces personnes le trouvent vraiment bien. C'est rare. C'est pas parce que toi tu le trouves moche que tout le monde va le trouver moche. C'est vrai. Sauf sur Tof. Là, vrai. On est tous d'accord. On est tous d'accord. D'ailleurs aussi, je vous dis à Tof, pour les appels mal intentionnés, je suis le bienvenu, quoi. Merci. Moi, j'ai fait traiter les gens, quoi. J'aimerais bien en faire un avec lui. J'aimerais être trop kiffé. Ouais, mais ça se fait pas en duo. C'est mon petit. Tof est égoïste, c'est son jeu. Oui, c'est à moi, c'est mon jouet. C'est ça. Il ne partage pas, il ne donne pas, il ne fait rien. Mais t'inquiète pas, un de ces quatre, il crèvera et puis on trouvera quelqu'un d'autre. Tu seras le bienvenu. Mais il y a déjà Dame. Ah oui. Ça fait longtemps qu'on l'a plus, idiot. Répondeur, ça fait toujours. On l'aura à mon avis plus souvent quand on fera 20h minuit, je pense. Non mais il est en fait, il faut savoir qu'il a des activités, il a une société, il doit travailler, il va loin de chez lui pour pouvoir travailler tranquillement c'est sur ça. Lui-même. Et du coup il est dans une zone où le téléphone passe pas. Exactement. Il fait des retraites. Ouais. C'est ça. Je te jure, Polo, ce que je viens de te dire, c'est la pure vérité, quoi. Mec, je t'adore parce que. Non, calme-toi, ne m'adore pas. Ne m'adore pas. C'est bien pour ça, c'est un compliment, tu vas pas t'en plaindre. Non, ne m'adore pas. Tu sais que ça n'a rien à voir. Mais qu'est-ce qu'il est lourd. Mais qu'est-ce qu'il est lourd. Vite à vie, sois heureux. En tout cas, l'instant flatterie. En tout cas, merci à toi d'avoir appelé. Je te renvoie chez Valentine. Et tu nous rappelles quand tu veux, t'es le bienvenu, il n'y a pas de problème. Ok, ça marche. Salut Sam. À vous, les gars. Merci beaucoup. Ciao à toi et bon courage, Sam. Paul, dans un instant, Mickaël et Karim. On va également demain, c'est le canular. Hein. N'oublie pas, demain, canular. Si vous avez envie de jouer avec nous, faire le canular de demain soir, pouvez nous appeler dès maintenant au 01 40 71 5000. Pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, je vais vous le remettre, celui de la semaine dernière. Ça vous donnera une idée, si vous connaissez pas le principe du canular, justement, tiens. Ça vous donnera une idée de ce qu'on va pouvoir faire demain avec vous, peut-être, avec une tablette à gagner en plus. Bon, allez, on écoute Tal maintenant, il est 2h03. L'impression. D'une vie dans le noir, l'ennui éteint tous nos espoirs, inconscient, une vie illusoire et incapable de voir. Mais tu sais que sans en avoir l'air, tu construis l'histoire, à chacun sa gloire. S'arrêter quelques heures, s'en aller comme un avion qui part. Qui nous laisse. Sommes-nous éveillés? Are we awake? Are we awake? Où sont nos je t'aime? Are we awake? Are we awake? Time to wake up right now. De refrains utiles, combien de chansons dans les airs. Vie facile, sortir de la ville et s'éveiller vers la mer. Mais tu sais que sans en avoir l'air, tu construis l'histoire, à chacun sa gloire. S'arrêter quelques heures, s'en aller. Où sont nos young man be asleep all day. Gonna pack it up, be on my way. Cause I'm motivated, dedicated. It's a man revolution. Love is the solution. No man can escape evolution. So we have to free our minds and find a mission. Some new effort, yeah. On est en direct sur Énergie, il est 2h06, bienvenue. Pendant les vacances, on est là de minuit à 3h sur Énergie. Et sur Facebook, Twitter et Instagram. M-I-K-L, officiel. Allez, bonne nuit tout le monde. On va donc dans un instant récupérer Mickaël, Paul, Sam et Karim. Et puis, souvenez-vous, on avait fait le canular, c'était la semaine dernière. Canular qui avait bien marché, on s'était bien marré. D'ailleurs, si vous voulez en faire un nouveau demain avec une tablette à gagner encore, n'hésitez pas à vous inscrire chez Valentine. 01 40 71 5000. On va récupérer Sarah. T'es toujours là, Sarah? Oui, toujours. Très bien. Alors, Sarah, donc, pour résumer, tu veux qu'on fasse le canular et qu'on appelle ton mec qui s'appelle Jean-Michel, qui a 20 ans, oui. Il est maçon, vous êtes ensemble depuis 2 ans et demi, vous avez à deux une Renault Clio 3 noire, et oui. Tu veux lui faire croire que vous étiez dans une soirée tout à l'heure, et pourquoi en fait t'as été dormir chez une copine et lui ailleurs? Ben en fait j'ai été dormir chez une copine parce que par rapport à la base c'est par rapport au canular, mais lui il le sait pas, c'est tout pour que je puisse bien le faire. Et oui, lui il le sait pas que c'est pour ça, j'ai dit que c'était pour passer une soirée avec ma copine, voilà. D'accord, ok. Ah, t'as tout prémédité, t'es vraiment une garce, Sarah. C'est ça. Ah là, putain, c'est bien ça, pas mal. Bon, Sarah, donc très bien. T'es brune avec les cheveux bouclés, les yeux marrons, 1m59, 50 kilos à peu près, 90 c'est à peu près aussi. T'avais un legging et un haut jaune, donc je sais tout. Et l'histoire, c'est que tu veux lui faire croire que t'as embouti la voiture avec un trou du cul, c'est-à-dire moi-même, Michel, qui évidemment veut un remboursement immédiat. Bon, bref, un mec qui se la ramène quoi. Ah non, mais c'est normal en même temps. Voilà, et que si il est un peu radin ou pas? Non, pas spécialement. Mais là, je pense qu'il va plus s'énerver pour le pare-choc à vent de la voiture. Ouais. Mais vous, genre, il a de l'argent de côté ou c'est un peu galère? Un petit peu, mais bon, si c'est pour mettre dans la voiture par ma faute, il va beaucoup s'énerver, je pense. Vous avez acheté la voiture neuve ou occasion? Non, d'occasion. D'accord, donc si je lui demande 2000 euros pour réparer mon pare-choc à moi, ça va le vénère. Ah oui, beaucoup. Bon, écoute, on y va, on l'appelle. Alors Sarah, tu commences. Moi, je serai derrière, en train de râler, bien évidemment, hein, puisque ma voiture est dessus. Oui, bien sûr. Et puis à un moment ou à un autre, tu me le passes ou je te dirai de me le passer en fonction de comment il s'énerve. D'accord. D'accord. Ok. Pas de soucis, ça va. Allez, hop, c'est parti. On y va. On appelle Jean-Michel. Allez, hop là, Jean-Mi. Qui est un prénom encore plus dur à porter que Michel. Hein. Ou que Christophe. Oui aussi. Allez, c'est parti. Et donc là, ils nous entendent plus. Allô? Allô, Béa? Oui. Oui. En fait, là, je t'appelle parce que tu vois, on était chez Célia et on a voulu ressortir pour prendre des glaces à McDo rapide. Et en fait, il vient d'arriver un truc de ouf et j'ai trop peur de te dire parce que je sais que tu vas t'énerver. Qu'est-ce qu'il y a? Là, en fait. Oui, bon, écoutez, madame, là, il va falloir faire les choses vite fait. Hein. Commencez pas à faire les devinettes. Hein. Voilà, tu vois, en fait, je t'explique, c'est sur le parking, là, de McDo. Et en fait, j'ai frappé sur une voiture. Si, non, mais attends, t'énerve pas, laisse-moi parler, parce que déjà, le gars, il est pas sympa, il fait que s'énerver sur moi. Non, écoutez, en fait, je t'énerve pas, parce qu'il y a la voiture, si vous voulez, la démine est complètement engloutie, alors vous avez une poubelle, c'est votre affaire. Mais qu'est-ce qu'il a, lui? Il a ferré ou quoi? Il va falloir payer, je vous le dis, moi. Moi, je partirai pas. Payer quoi? Payer quoi? Mais qu'est-ce qu'il veut? Il a craqué ou quoi, lui? Je ne partirai pas d'ici tant que la dette n'est pas payée, là. Attends, t'énerve pas, en fait. Attends, Attends, laisse-moi parler, je vais t'expliquer. En fait, j'ai frappé, donc j'ai eu 30 secondes d'inattention. J'ai frappé, donc j'ai défoncé tout le pare-choc avant. Parce qu'il y a 30 secondes, vous auriez fait pire. Eh vas-y, dis-lui qu'il la ferme, lui, là. Dis-lui qu'il la ferme. Donc dépêchez-vous, là. Dis-lui, arrête de parler. Attends, t'énerve pas. Jean-Mi, t'énerve pas. 2 minutes, t'énerve pas. Et en fait, lui, je lui ai tué la voiture aussi de derrière. Bon, qu'est-ce que tu Mais comment tu as fait, toi aussi? Mais j'arrive, j'ai pas fait exprès, je te jure, j'ai pas fait exprès. Mais t'as pas fait exprès, mais je sais pas, fais attention quand tu conduis, toi aussi. Mademoiselle, est-ce que votre mère, elle va venir payer ou pas? Oh, mais qu'est-ce qu'il a, lui? Non, mais attends, reste tranquille pour ma vie, je vais serrer. Julie, reste tranquille, qu'est-ce qu'il veut, lui a craqué ou quoi? Non, mais t'énerve pas, on va trouver un truc. Tu as quel McDo là? Ouais, ah ben là, je suis en train de te dire. Bon, passez-moi votre mère, madame, là, que j'arrange ça directement. Tiens, je te passe le chip, il va t'expliquer. T'énerve pas. Comment ça, il va s'énerver? Il manquerait plus qu'elle s'énerve, dis donc, c'est moi la victime dans cette histoire. Oh, non, attends, tiens, je te le passe. Bon. Je te le passe, d'accord? T'énerve pas. Oui, allô, madame? Allô, oui, arrête de m'appeler madame, je suis pas en train de rigoler avec toi, là. Bah attendez, je croyais que c'était sa mère qu'elle appelait. Sa mère, j'ai une voix de femme, peut-être? Bah non, mais ça, je le découvre, après, je sais pas, moi. Bon, bref, écoutez, bon, qui êtes-vous? Je suis son mari, qui ça? Comment ça, qui je suis? Non, mais vous êtes son mari, donc très bien. Donc c'est vous qui allez venir payer les réparations. Payer quoi? Mais payer quoi? Mais ça c'est bien ou quoi? Attendez. Votre copine, votre femme ou je ne sais qui là. Enfin bref, la petite brune, elle sort avec le véhicule. Tranquille, comment tu parles? Calme-toi, bah, attendez, voilà, c'est une petite brune. Hein, s'il avait été blonde, j'aurais appelé la petite blonde. Bref, peu importe. On est en train de chipoter pour pas grand chose là. Donc elle sort de l'emplacement, paf. Elle me rentre dans le pare-choc. Alors vous imaginez bien que moi j'ai une rayure qui va d'un côté à l'autre de la voiture. Ça doit faire à peu près 5 cm. Une rayure, c'est quoi une rayure? Pour une rayure, oui, bah, il va falloir refaire le pare-choc. Ah bah oui, mais écoutez, moi le pare-choc, je viens de le changer, il est tout neuf. Il y en avait pour 2000 euros la dernière fois que j'ai réparé. Donc moi j'exige 2000 euros là. Oui, 2000 euros, mais tu as cédé, tu crois? Mais je crois que je suis riche, je crois que je vais venir. Tiens, vous êtes où là? Où vous êtes? Mais ça regarde pas où on est. Comment t'as trop de moyens? Mais sur ma vie, je vais faire. Je te donne l'adresse seulement si tu ramènes l'argent. Ah, mais tu crois vraiment? Mais. Aïe, je vais péter un câble. Tu crois que je vais te ramener 2000 euros? Mais tu crois que je suis qui en fait? J'ai pas compris. Un pigeon, tu peut-être. Tu crois que je suis riche, que je sors les sous comme ça? Non, mais vas-y, attends. Le problème, alors si je puis me permettre. Déjà, dans tous les cas, où est-ce que tu as vu où tu payes de suite le mec? Ça se passe pas comme ça, mais tu es un fou ou quoi? Non, mais moi, c'est pour aider. Non, mais c'est pour éviter de faire après monter le bonus, tout ça avec l'assurance. Hein. Moi, je dis ça pour rendre service. Hein. Vas-y, vous êtes où là? Vous êtes où? Dis-moi, c'est ça le problème. Tu vois, c'est ça le problème, mec. Hey, Robert! Tu vois, c'est ça le problème avec ces connards de Marseillais. T'essayes de les aider et après, regarde, ils te crachent dessus. Ils n'ont rien à foutre. Oh, t'es présent, toi, là. Sur ma mère, reste tranquille. Je vais t'insulter, toi. Ou comment non, ça, mais ça, attends, excuse-moi. Moi, je viens avec mon pote. Non, mais on vient de Paris, là. Là-bas, au moins, ça se passe pas comme ça. Il y a un problème, tac, on arrange l'affaire. Qu'est-ce que je m'en fous que tu viennes de Paris? Qu'est-ce que je m'en fous? Moi, je passe ici en week-end. Déjà, on me force de venir dans cette ville poubelle, là. Je suis obligé de venir là. Mais qu'est-ce que je m'en fous? Là, tu me racontes ta vie. Non, mais je raconte ma vie parce que là, on regarde, évidemment, on pare-choc qu'il est foutu là. Je m'en fous. Dis-moi où vous êtes. Je vais venir là. Tu sais combien ça coûte le pare-choc d'une Porsche? Quel Porsche, hein? Qu'est-ce que tu me racontes, hein? Vas-y, là, je m'en fous, le pare-choc de Porsche. Dis-moi où vous êtes. Je vais venir maintenant, on va régler le souci. C'est simple. Mais tu règles le souci en apportant l'argent alors. Et pour mon argent, vas-y, dis-moi où tu es. Bon, attends, je te leur passe. On va régler le souci. Bon, comment c'est quoi ton prénom? T'as trop garde comment je m'appelle? Non, mais que je sache au moins à qui je m'adresse. Jean-Michel, je m'appelle. Non, mais vraiment, c'est pas peine de te foutre de ma gueule, j'ai des problèmes comme ça avec la voiture. Oh, tu crois que je rigole avec toi? Ah, tu te fous de moi en plus. Non, t'appelles Jean-Michel? Et alors, où est le souci? J'ai pas compris. Ouais, je m'appelle Jean-Michel. Et alors, qu'est-ce que tu veux? Ouais, c'est pas possible. Ouais, si, c'est possible. La preuve, je te le dis. Ça et alors, qu'est-ce que ça? Quoi ça alors? Ton collègue s'appelle bien Robert. De quoi tu parles? Ouais, mais Robert, c'est Robert, on l'appelle Bébert. Mais Jean-Mi, ça fait Jean-Mi. C'est bon, vas-y. C'est quoi, je m'en fous. Arrête de me parler de mon nom, de mon prénom. Moi, je m'en fous. Du moins, vous êtes. Ah, mais c'est Michel ton nom là, et Jean, c'est ton prénom? Tu sais quoi, mon pote? Parle pas avec moi. Dis-moi où est-ce que vous êtes là maintenant. Non, je vais venir, tu es en train de me faire serrer. Qu'est-ce qu'il est con alors? Ça fait 15 fois qu'on lui dit qu'on est au McDo là. Oh, c'est un fada. Écoute-moi bien, tu es en train de parler là. Regardez, tu fais l'homme là. Tu es là, tu insultes les gens et tout par téléphone. Est-ce que je t'ai parlé mal? Je t'ai pas parlé mal. Mais moi non plus, je t'ai pas parlé mal. Eh ben, tu sais quoi, vas-y, dis-moi quel McDo. Bon, attends, je te la repasse. Eh, la brune. Je vais te repasser Jean-Michel. Allô, bien. En fait, c'est l'histoire. Mais non! Attends, écoute-moi! Écoute-moi! Est-ce que tu as trouvé un truc? Vas-y, parle, Julie, arrête de parler! Attends, non mais attends, c'est pas ma faute là! Est-ce que tu as trouvé un truc avec lui, un arrangement ou pas? Non, dis-moi où est-ce que vous êtes, je vais venir là parce qu'il est en train de. Mais c'est toi, mais on m'a pas à côté! On est au McDo à côté de chez Célia, je t'ai dit. Attends deux secondes, hey, je vais leur reprendre, ah. J'ai une petite proposition à lui faire. Allô. Vas-y, c'est quoi? Jean-Michel. Qu'est-ce que tu veux, toi, encore? Qu'est-ce que tu veux? Bon, Jean-Michel. Oui, regarde avec Robert. Dites-moi, bon, sinon j'ai une proposition et ça arrange tout le monde. C'est quoi ta proposition? Si tu me racontes, là, qu'est-ce que je m'arrange avec la petite cette nuit et hop, ni vu ni connu, chacun rentre chez soi et puis voilà. Oh la compte de ta race, mon pote, mais tu te prends pour qui, Jacques? Aïe, sur ma mère, c'est quoi? Là, j'arrive. Là, non, mais attends, parce que là. Non, mais t'es d'accord ou pas? On va. T'es d'accord ou pas? Arrête de parler, c'est quoi? Parle par téléphone. Sur ma mère, quand je vais arriver, tu vas rien comprendre. Là, je vais partir chez moi, laisse-moi, je m'habille, j'arrive. Non, mais t'es d'accord ou t'es pas d'accord? Vas-y, arrête de parler, qu'est-ce que je m'en fous d'accord de quoi? J'ai craqué ou quoi, toi? Tu te prends pour qui, toi, pour parler comme ça de ma femme? C'est quoi? Je vais m'habiller. Bon, je te la repasse, je vais venir là maintenant, on va régler le souci. Non, mais je te la repasse, je te la repasse. Vas-y, parle pas avec moi, je vais venir là. Hé, je te repasse ton mari, Sarah, c'est ça. Voilà, bah, c'est bon, il est d'accord, on peut se faire une petite gaffe ce soir. Oui, je vais le défoncer. Voilà, je vais le défoncer, je vais le défoncer. Non, franchement, il est gentil et tout, hein. Ferme-la, vas-y. Il est d'accord, après, c'est bizarre, mais. Voilà, non, mais juste vas-y, passe-moi ça, je te dis, je vais péter un plomb là. Faire ça dans un truc de luxe, on peut faire ça chez les gens. Je vais le défoncer sur ma mère. Sur ma mère, que je vais te défoncer. Non, il est bien, il est bien. Parle, petit con, parle pour ma mère, je vais te défoncer. Tu vas rien comprendre. Il est d'accord, Bah tiens, je te le repasse. Allô, Ben? Vas-y, tu crois, laisse-moi parler, j'arrive là. Sur ma vie, non, mais attends, non, mais si t'as pas trouvé d'arrangement, on va accepter sa proposition, hein. Pardon? Qu'est-ce que tu me dis là? Tu veux que je te défonce? Quoi? Ah bah trouve un arrangement alors! Oh mais il a craqué ou quoi? Tu me dis ça toi? Oh mais qu'est-ce que tu cherches toi aussi? Bah ouais, il a dit qu'il était d'accord! Quel menteur alors! C'est bien Marseillais! Bah, hein. le gars il me dit que ça a été d'accord! Ouais, tout ça, Non mais t'as craqué toi ou quoi? Moi je suis d'accord! Est-ce que moi les jours je vais être d'accord pour ça? T'as fait rien ou quoi? Qu'est-ce que tu veux toi aussi? Oh, t'es fou, ah bah je sais pas! Je sais pas, d'accord, tu l'as eu au téléphone, donc je sais pas, moi c'est lui qui m'a dit ça. Écoute-moi bien, toi tu le crois, en plus, elle est déjà prête avec son petit jean et son mot jaune là, elle est excitante. Oh, je veux le défoncer sa race, j'arrive. Non mais attends, calme-toi. Arrête de me dire. Calme-toi. Oui, non, mais attends, mais moi, c'est pas ce qu'il m'a dit. Il est venu me dire, tu as dit, il accepte sa proposition, donc voilà, moi je veux pas créer de dégâts. Déjà à cause de moi. Eh oui, mais moi je veux pas que tu t'énerves pour moi. Arrête de parler, tu crois que je rigole avec toi ou quoi? En plus, toi tu m'as dit je vais accepter sa proposition. Comme si. Mais c'est parce que je veux pas que tu t'énerves sur moi, il m'a dit que tu acceptais en plus. Mais il va pas s'énerver, c'est une petite bite. Moi je vais accepter sa proposition, moi, mais tu me rends pour un fou? Mais attends, qu'est-ce que tu as? Attends, mais c'est pour économiser 10 euros, hein? Je m'habille, j'arrive, j'ai lui qui la referme. Tu l'entends? Je suis en train de m'habiller là. Bon, repasse-le-moi. Attends, Jean-Mi, dis-moi, je te le repasse. Je suis en train de m'habiller, j'arrive. Attends, je te le repasse, il veut te parler, je te le repasse. Vas-y, toi, tu vois. Allô? Allez, serré. Allô, qu'est-ce que tu veux? C'est Michel. Qu'est-ce que tu veux? Tu te fous de moi, mais qu'est-ce que tu veux? Non, écoute, bon. C'est quoi, toi? Tu sais quoi? Arrête de parler. Là, je suis en train de m'habiller. Mais ça sert à rien. Nous, on veut pas faire un truc à plusieurs. Moi, ça m'intéresse pas de faire un truc avec des mecs, donc ça sert à rien. C'est pas la peine de venir. Je vais te défoncer, mon pote. Tu vas rien comprendre à ta vie. Sur ma vie, tu vas rien comprendre à ta vie. Bon, écoute, Jean-Mimi. Qu'est-ce que tu veux? Bon, écoute. Vas-y, arrête de me parler comme tu veux. Non, allez. Bon, excuse-toi pour tout ce que tu m'as dit et je lâche l'affaire. Voilà, je m'en vais et puis voilà. Pardon. Que je m'excuse, mais tu as sérieux ou quoi? Tu crois vraiment que je vais m'excuser? Mais si, bon, je t'excuse. Tu vas dire je sais pas quoi à ma femme? Tu crois que je vais m'excuser avec toi? Mais tu es fou. Non, mais tu t'excuses et on passe l'éponge. Mais passer des points sur quoi? Tu crois que je vais m'excuser? Mais écoute, excuse-toi et quand t'arrives, je te mets pas mon poing sur la gueule. Ah, sur ma mère, tu parles en plus. Tu as l'air d'être un bon parleur, toi, j'ai remarqué. Attends, c'est rien, t'inquiète pas. Je vais arriver, on va voir qui c'est qui parle le plus. Non, allez, vas-y, bon, allez. Quoi, vas-y. Bah, excuse-toi, on peut y passer la nuit. Écoute, tu es en train de me gonfler là. Là, sur ma vie, tu vois, je vais raccrocher. Je vais arriver, je vais venir. Et tu vas rien comprendre à ta vie. Mais non, tu vas pas venir. Tu vas pas venir. Bah, tu vas voir. On paraît que tu vas pas venir. Tu sais pourquoi tu vas pas venir? Et pourquoi je vais pas venir? Mais tu es un fada, toi. Ah, tu sais pas pourquoi tu vas pas venir? Eh ben, dis-moi. Ah, tu sais pas. Puisque tu as l'air d'être devin. Eh, Robert. Eh, il sait pas pourquoi il va pas venir, ce bouffon. Aïe. Ah, tu sais pas pourquoi tu vas pas venir? Aïe, ben vas-y, dis-moi pourquoi je vais pas venir. Bah parce que t'es en direct sur Énergie. Musique only, que du bon son. Bon, Jean-Michel, c'est Mickaël, t'es à la radio, t'es sur Énergie, t'es en direct là, ça va ou quoi? Attends, tu rigoles, Sarah, ou quoi? Eh oui! Oh, c'est pour rire! Pardon, mon amour! Oh là là là là, Jean-Michel! C'était le canular du jeudi! Je suis en train de serrer depuis tout à l'heure, j'étais en train de m'habiller et tout là, je suis en train de péter un plomb! Ah oui, ça, j'ai bien remarqué que t'étais un peu énervé, ouais! Mais c'est bizarre, parce que je comprends pas pourquoi! Tu rigoles comme ça! Tu voulais, mon amour? Oui, mais oui, c'est trop bien! Je savais que j'allais partir en quart de tour! Elle est ça, le pire, c'est qu'elle est trop fière! Oh Jean-Michel! C'est trop bien ça peut-être! Je suis en train de transpirer tellement je serre, mais c'était trop bien! Oh Jean-Michel! Hey, tu sais ce qu'elle a gagné en plus? Elle a gagné quoi? Elle a gagné? Elle a gagné un parfum! Giorgio Bubbleish! Et un show Chippendale! Voilà, non, elle a gagné une PS4, Jean-Michel! Quoi? Ouais, une PS4! De toute façon, si tu veux pas, on peut te faire autre chose! Ah, ça va mieux, t'as dit PS2, ça va mieux, t'as vu! On peut oublier le constat là. Ah là on peut oublier le constat. Ah, putain quel escroc celui-là. C'est un mot magique. Pour les meufs c'est Nutella, les mecs c'est PS4. Ou Victoria's Secret pour les meufs. Et apparemment ils vont l'ouvrir sur les champs. Un Victoria's Secret. Un truc de sous-vêtements, ouais. Bon bah bravo en tout cas Sarah. Jean-Michel redescends, la pression va retomber, t'inquiète. On va vous repasser Valentine au standard. Et puis on va prendre vos coordonnées. On va vous envoyer ça rapide, d'accord? Merci. Oui, merci beaucoup. Salut Sarah, salut Jean-Michel, gros bisous. Salut, merci, gros bisous, au revoir. Merci. Allez, ciao. Et si vous voulez faire demain on fait un nouveau canular. Si vous avez envie de participer, bah appelez-nous hein, 01 40 71 5000. Allez tiens, Mommy, on va écouter ça maintenant. Il est 2h22, on est sur Énergie, au cœur de la nuit sans pub. On récupère Mickaël, Paul et Karim. Et on se fait encore d'autres appels mal intentionnés. Ce sera avant 3h du mat sur Énergie. So 8h35, c'est Mickaël sur Énergie. Il y a Justin Timberlake qui arrive et puis. 3h. On s'installe tranquille. Ah oui? Sur Énergie. Eh oui, justement, on est là. Alors profitez-en bien. Hein. Vous balancez vos messages avec le hashtag Mickaël sur le Twitter de l'émission. Si vous voulez passer en direct, vous êtes évidemment les bienvenus. Et puis, bah, pareil aussi sur les SMS. Vous envoyez Mickaël et votre message au 612. Et n'oubliez pas, demain soir, dans moins de 24 heures, on tire au sort l'un d'entre vous qui repartira avec la Xbox One ou la PS4 au choix. Pour jouer, c'est donc facile. Il suffit simplement de vous rendre sur la page Facebook de l'émission. Vous tapez M-I-K-L officiel. Vous likez la page si c'est pas encore fait. Et puis là, il y a la photo où je suis avec les deux consoles. Hein, et vous allez, on va vous en envoyer une des deux, hein, tout simplement. Vous me dites simplement laquelle vous préférez, Xbox ou PS. Voilà, vous nous dites. On tire au sort un des messages qui aura été envoyé depuis lundi et jusqu'à demain soir. Et puis demain, vers minuit 30 à peu près, eh bien, on appellera l'un d'entre vous pour lui offrir la PS4 ou la Xbox One. Donc rendez-vous sur la page de l'émission M-I-K-L officiel. Message qui est arrivé qui dit: je voulais juste passer un coucou à mon pote Romu. Dans les grues derrière moi, qui me charge le camion et qui me fait bouger dans tous les sens pour vérifier que je dors pas. Continue ce que vous faites, vous occupez nos nuits. Et bah, avec plaisir. Et puis bon courage à vous, bon taf. Polo, c'est tout. C'est Polo, toi, c'est différent, t'es cinglé. C'est Antolastique qui m'envoie le message. Pas du tout, c'est bien mal le connaître. Voyons. Karim qui est avec nous maintenant à Liège. Salut Karim. Allô Karim. Hey, gros. Ah, bien. Salut Karim, qu'est-ce qu'il y a enfin? Comment? Qu'est-ce qu'il y a enfin? Ça fait au moins une heure et demie que j'attends là. Non! Bah tu sais quoi, tu vas encore un peu attendre, tiens. Paul qui est avec nous. Ah bah oui, attends, il attend. Bah il était bien là. Mais oui, oui. Ça, il attend. Bah, il aime attendre. Bah il adore, c'est bien. Hein. Après, ouais. Mickaël de Lille et Paul juste après. Mickaël qui attend depuis plus longtemps. Ça va, Mickaël? Ouais, tout va bien. Ouais. Bon, tu te plains pas que tu étais resté trop longtemps au standard? Ah bah non, grâce à ça, j'ai pu arriver chez mon client, donc c'est bon. Ah bah nickel, bah voilà, tu vois, tranquille, classe, hein, voilà, tout va bien. Bon, Mickaël, bienvenue. Alors, toi, tu voulais réagir par rapport au médecin, raconte. Bah moi, c'est arrivé en 2011, je suis un routier, tu vois, je suis un long routier. Mais t'es routier frigo, bâché, t'es quoi? Non, moi, je suis un frigo. Ah, t'es un frigo, d'accord, alors on t'écoute. Ouais. Donc, tu vois, je suis un routier à la semaine. Je partais, je descendais sur Gignac. André-Pierre. Ouais, il roulait dessus tous les soirs. Le petit ovin footballistique. Alors, vas-y, continue. Ouais, donc, et ça faisait plusieurs semaines, tu vois, que je partais, où j'avais des douleurs à l'estomac, des douleurs au ventre. Moi, au début, je pensais que c'était dû au cacheton que je prenais pour mon dos, parce que je prends des cachets à la morphine pour le dos. Oh là là, ouais. Et donc je prêtais pas attention, quoi. Et en fin de compte, un jour, bah, arrivé sur Lyon, je fais un malaise au camion, je me retrouve carrément plié en deux, à plus pouvoir me redresser. Oh putain, en roulant ça? Ouais, en roulant, ouais. Ah, ouais, mais avec le réflexe que j'ai eu, c'est que je me suis arrêté, j'ai laissé couler le camion sur la BAU, quoi. Mmh. Et j'ai glissé sur la barrière sécurité. Et j'ai été transporté donc sur un hôpital de Lyon en urgence par les pompiers. Bah déjà t'as eu de la chance de pas avoir un accident plus grave avec le camion déjà. Ouais mais enfin c'est après avec l'expérience, ça fait plus de 20 ans que je roule, avec l'expérience on connaît son bébé. Oui. Ouais mais enfin quand même. Bon bref. Et donc vas-y alors, continue. Donc là on me fait une échographie et on s'aperçoit que. C'est un garçon. Elle portait l'éléphant, j'ai la trompe et les oreilles qui dépassent. Donc j'ai plus d'une quinzaine de calculs dans la visite pulmonaire. Non. Donc il faut me la retirer d'urgence parce qu'elle était prête à éclater. C'est pour ça que j'ai fait ce malaise. Ouais. C'est pour ça aussi qu'il faut jamais faire gaffe. Il faut toujours faire gaffe quand son corps il fait mal. Il faut toujours aller voir un toubib parce que toujours. Derrière ça peut cracher des choses graves. Ouais. Donc là on fait une fibroscopie pour tout me retirer. Mais le toubib, c'est un interne, fait une connerie, il me perce le colédoque. C'est le tuyau qui relie le foie aux intestins. Excusez-moi, monsieur, petite erreur. Hein, on l'a pas vu, hein. Chef. Hein, on l'a pas vu. Hein. Ah, ils l'ont pas vu tout de suite, ça c'est clair, ils l'ont pas vu tout de suite. Pendant 15 jours, je suis resté à l'hôpital, mais j'étais jaune de chez jaune, le blanc des yeux jaune, et je suintais le produit de mon foie par les pores de ma peau. Et je peux te dire, ça pue, mais c'est horrible, hein. C'est une horreur. Et c'est mon pote, mon Lyonnais, qui écoute la radio à Starcy, qui va se reconnaître, c'est mon pote, mon Lyonnais, qui passe à l'hôpital, qui la voit et qui fait écoute, il dit tu t'es pas vu dans un miroir. Elle dit mais putain, elle dit mais t'étais trempé dans un pot de peinture, quoi, t'es jaune. Donc, déjà, quand vous avez une couleur, quand la couleur change, là, c'est qu'il y a un stress à un moment. Hein. Voilà, c'est clair. Donc là, j'appelle un médecin. Le médecin me dit oui, mais c'est normal, c'est parce qu'on vous a retiré la vésicule biliaire. Donc c'est un peu du produit du foie qui reste dans votre corps, donc il faut l'évacuer. C'est pas grave. Après, je dis oui, mais j'arrive toujours pas à la selle. Comme mon foie n'était plus relié avec mes intestins, je pouvais plus aller à la selle. Donc je fais, il y a un problème. Il fait, c'est parce que vous marchez pas assez. Ouais. Je dis d'accord. J'ai donc pendant une semaine jusqu'à 4h du matin, je marchais dans les couloirs parce que en plus j'avais une douleur, mais c'était horrible, pas moyen de me redresser. Même l'infirmière, elle a dû aller à l'étage qui était au-dessus, au centre des grands brûlés, chercher le produit des grands brûlés plus le produit anti-rejet pour pouvoir me permettre de pouvoir dormir. Ah et putain, mais toi t'as vraiment tout fait là, total. À la totale. Non, ouais, on sent que t'es un bon cas d'école, toi. Ah ouais. Tu m'étonnes. Donc pendant une semaine, ça dure comme ça. J'ai dit, moi, je pète un câble. Et à un moment, j'entends qu'il y a une infirmière qui crie après le professeur de l'état dans le couloir. Et je me dis, je tente ma chance. Je vais choper le gars parce que ça va pas aller comme ça, quoi. Ça va de pire en pire. Je peux pas dormir. J'arrive pas à me redresser. Et donc, après. Alors, il vient voir, il fait, on retourne faire une échographie. Ouais. On fait l'échographie, et l'échographie, bah, il voit que du liquide, donc du foie. Garanti. Donc, retour dans la chambre, il vient me revoir, il me fait, écoutez, on va faire une chose, vous allez prendre une grande respiration. Donc, je prends une grande respiration, et au moment où je prends la grande respiration, il appuie sur deux doigts au niveau du foie. Je fais un bond, il dit, vous, c'est le bloc direct. Mais c'est rassurant. Pourquoi. Ah ouais, je comprenais pas pourquoi. Le bloc direct. Je me suis réveillé, j'avais une poche pour évacuer donc le produit du foie. J'avais une poche qui était reliée au colédoc pour que le colédoc se refasse là. Et j'avais d'autres poches, une poche aussi urinaire, tout la totale. J'avais des perfusions dans les deux bras. Et c'est là que le professeur il revient me voir en me disant écoutez, il dit je viens directement vous voir pour pas attaquer l'hôpital. Là on vient de se séparer de notre interne parce qu'il a fait une erreur, il a percé votre clédoc, vous étiez en train de vous empoisonner avec votre foie. Mais quelle histoire, putain, c'est ouf. Et ça te fout les boules d'aller voir les médecins finalement. Hein. Mais oui. Parce ouais, qu'il y en a qui n'ont rien à foutre, hein, mais vraiment. Après, il y a des pros, heureusement, il y a des tueurs. Et après, hein. Il peut y avoir un accident, je dis pas. Des tueurs, si des gens bien. C'est, ouais, le problème d'un accident dans la médecine, c'est que bah forcément, tu peux vite mourir. Mais je veux dire, il peut y avoir des accidents, évidemment. Ouais. Bon, en tout cas, c'est bien, t'es encore avec nous, donc c'est que finalement, ça s'est bien fini. Ouais, ça s'est fini. Qu'au lieu de durer, tu vois, 4 jours d'hospitalisation, je suis resté plus d'un mois, quoi. Ouais. Mais enfin, t'es toujours avec nous, c'est ça que je veux dire. Voilà. C'est dans ce sens-là que je dis que finalement, ça va. Du coup, t'as eu le temps de faire connaissance avec le personnel de l'hôpital. Et tu sais, comme tu dis, en fait, c'est une leçon pour tout le monde. Quand t'as une douleur ou un truc qui persiste, faut absolument voir. Même si on dit, ouais, c'est rien, aux radios, à l'échographie, y a rien, mais au moins, t'es sûr, quoi. De pas laisser traîner un truc horrible. Ah ouais, c'est clair. Parce que moi depuis ce jour-là, je joue plus avec ma santé. Hein. Bah, tu m'étonnes, t'as bien raison. Ouais. Quand je me regarde dans le miroir, que je vois la balafre de 20 cm qu'on m'a fait, j'ai dit, ouais, c'est bon, une fois pas deux. T'as raison, c'est clair. Bah, en tout cas, merci d'avoir appelé, Mika. Hein. Mais y'a pas de soucis. Puis rappelle quand tu veux, t'hésites pas surtout, d'accord? Pas de problème, de toute façon, ça fait un an que je vous écoute. Alors. Ah, bah écoute, bah, c'est gentil, bah, reste encore un petit peu avec nous, comme ça, tant qu'à faire. Merci, Mickaël, salut à toi, passe une bonne nuit. Allez, bye bye. Ah, ciao. Il y a Marion qui a envoyé un message qui dit petit coucou à vous l'équipe, et bisous à tous, rendez-vous demain. C'est Marion, bah écoute, gros bisous hein, Marion. On écoute Justin Timberlake, on fait les appels mal intentionnés juste après, vous bougez pas de là, c'est Mickaël sur Énergie. Et on devrait normalement avoir des nouvelles de Daniel Canularis. Ça c'est la bonne nouvelle du soir, tiens, 2h34, passez une bonne nuit tout le monde. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop. Move while you already know. something magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop that. C'est Mickaël sur Énergie. L'immensité de l'océan. La pureté d'un flocon de neige. La beauté d'une fleur. La force d'un arbre millénaire. Mickaël est sur Énergie. Poursuivez votre recherche de la perfection. De minuit à 3h sur Énergie. Bah oui, on est là évidemment et on devrait avoir Damien le canulariste. On va voir, vérifier. Damien, t'es là, dame? Ouais, je suis là. C'est pas vrai! Eh ben là, on t'a plus depuis longtemps, Damien, là. Je sais, parce que j'étais en plein de sommeil, en fait. Ah, t'étais en cure de sommeil, bah t'as bien raison. Non, mais c'est vrai, t'as bien raison. Véridique, véridique. Ouais. Bon, bah écoute, bah, bienvenue, dame le canulariste, alors. Bon, Damien, pour ceux qui ne le connaissent pas, donc Damien, c'est un peu le professeur de TOF au niveau des appels. Hein. C'est lui c'est lui qui m'a tout appris, moi. Voilà, je c'est lui qui lui a tout appris depuis des années maintenant. Hein, et donc, du coup, tu vas encore nous prouver, dame, que t'es meilleur que lui ce soir. Ouais. Bon, on laisse d'abord TOF commencer. Comment? Attends deux secondes. Oui, bah écoute, bah, tu sais quoi, on va faire les appels avec Tof, on te reprend juste après alors, très bien. Qu'est-ce que j'allais dire? On appelle, c'est parti. Donc, hein, est-ce que l'été vous donne envie de faire l'amour? Ah bah, il y a une étude qui dit que 68% des couples font plus l'amour en été qu'en hiver. Donc, Tof, tu vas vérifier ça maintenant. Allons-y. On appelle tout de suite à 2h39 du mat. Là, c'est parti, grâce au numéro que vous envoyez, comme d'habitude, sur le mail de Tof, toph@energie.com. On y va. Oui, allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, monsieur. Oui? Oui, je vous appelle parce qu'en fait, je voulais savoir, est-ce que vous préférez faire l'amour en été, monsieur? Espèce de connard, va te faire foutre. Non, monsieur, non. Dites pas ça, c'est pas gentil. C'est pas gentil. Vous pensez ce que vous me demandez comme question, c'est gentil? Bah est-ce oui. Que tu sais de la gentillesse, toi? Moi, je veux juste savoir, en fait, si vous avez plus envie de faire l'amour en été. Putain, tu me casses les couilles là, j'ai plein de soucis. En plus, un connard comprend, viens me casser les couilles en plus de ça. Va te faire foutre. Non, monsieur, dis pas des choses comme ça. Non, c'est très méchant, monsieur, ce que vous dites. Putain, mais je suis pas méchant du tout. Normalement, je suis quelqu'un de très gentil. Ah, mais je me rends. Là, j'ai beaucoup de soucis. Toi, tu veux, c'est la goutte d'eau qui, c'est la goutte d'eau qui vient renverser la vase. C'est pas. Je vais te faire foutre. Non, allez, répondez à ma question, monsieur. Dites-moi si vous préférez faire l'amour en été. Merde, il a raccroché. La goutte c'est la d'eau. Goutte d'eau qui fait déborder la vase. Oui, c'est ça. Ah ouais, bon, c'est original, on va le rappeler. Yep. La goutte d'eau qui fait déborder la vase. Tu sais pas le mot va te faire foutre. Bah, est-ce que cela veut dire ? Non, je comprends pas, monsieur, ça a aucun rapport avec ma question. C'est quoi ta question ? Bah, en fait, je veux juste savoir si vous avez plus envie de faire l'amour en été. Qu'est-ce que tu en as à foutre de ça ? Ça, c'est ma vie privée, c'est ce qui me regarde. Bah oui, mais c'est parce que j'ai envie de savoir, monsieur. Pourquoi t'as envie de savoir ça ? Bah, juste pour savoir si vous avez plus envie en été ou plus envie en hiver. Eh bien, je te retourne la question. C'est quoi ta réponse, toi ? Ah bah, moi, je sais pas, j'ai jamais essayé, monsieur, donc moi, j'ai envie tout le temps. T'as jamais essayé de faire l'amour, toi ? Non, jamais, maman, elle veut pas. T'as quel âge ? 35 ans. 35 ans. Oui. Je trouve que t'es marrant. Tu me prends pour un singe. T'as envie de mettre une banane dans ma bouche comme un singe. Mais non, à 35 ans, t'es encore plus sot. Oui, c'est ça. Non, dites pas des choses comme ça, monsieur, c'est très méchant. Allô ? Il nous voit partir, dis donc. Bon, attends, on va le rappeler encore une bah fois. Oui. Allez, allez, allez, allez, allez. Putain, qu'est-ce que t'as là? Non, mais c'est très méchant ce que vous venez de dire, monsieur. Ça se fait pas. Qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai rien dit de méchant. C'est toi qui es méchant avec tes questions débiles. Bah non. Malade. Attendez, moi je vous pose juste une petite question comme ça. Vous y répondez, on n'en parle plus. J'ai pas envie de répondre, tout simplement. Bah oui, mais ça se fait pas, monsieur. Quand quelqu'un vous pose une question, il faut répondre. Non, si des fois on fait le son, on fait comme si on n'a rien entendu, on fait passer le temps. Et la personne va savoir ça, que ce genre de question, ça mérite pas de réponse, tout simplement. Ah bah non, monsieur, moi je peux pas partir sans avoir une réponse. Moi j'ai besoin de votre réponse, monsieur. Mais ça, c'est ton problème si tu peux pas partir sans avoir une réponse. Eh bien, moi je vais pas répondre, je t'ai dit, je vais pas répondre et c'est tout. Bah non, c'est pas tout, monsieur. La moindre des choses, c'est que vous répondiez. Pourquoi je dois répondre ? Bah, parce que je vous ai posé une question, monsieur. Enfin, c'est normal. Tu vas me donner quoi si je réponds ? Bah, rien. On va souhaiter parce une bonne soirée. Non, parce que dans ce monde, on fait rien comme ça. Hein. Bah, si, monsieur, on peut faire des choses gratuitement. Non, moi, je fais rien gratuitement. J'ai tellement aidé gratuitement, j'ai rien bénéficié. Tout le monde me prend pour un con. Je suis pas un con, je vais pas répondre gratuitement. Bah, d'accord, mais enfin, bon, monsieur, là, c'est une petite question. Vous répondez juste par oui ou par non. Hein. Je vous demande pas de faire un truc surréaliste. Dans le monde des affaires, il n'y a pas de petites questions, il n'y a rien. Dans le monde des affaires, c'est comme ça. Ah oui, bon. Ouais, bah donc vous n'allez pas répondre à ma question ? Je ne vais pas répondre à ta question, tout simplement. Bon, bah, je suis très triste, monsieur. Oui, ça, c'est votre problème, je vous en prie. Bah, bonne soirée quand même. Eh bien, bonne soirée. Au revoir. Bah, voilà. Cordial, gentil, bien quoi. Poli, c'est vrai que le mec est bien quoi. Franchement, il était pas mal. Ah bon ? Bah, il était gentil. Ah, très gentil. Ah bon. Il t'a pas insulté ? C'est la goutte qui fait. Non, c'est quoi ? C'est la goutte qui fait déborder la vase. Oui. Déborder la vase, oui, c'est ça. Oui. Bon, et ben voilà, on en fera l'autre demain. Oui, on sera de retour demain, à partir de minuit, comme toutes les nuits, justement. On va prendre Dame. T'es là, Damien, le canulariste ? Ouais, je suis là. Ouais, bien ou bien ? Ouais, bien, nickel. Bon, tu étais prêt à faire un petit appel, là ? T'en fais un numéro ou pas, là ? Ouais, 1, 2, 3, la 4. À 4, d'accord, ok, très bien. Bon, Damien, tu vas poser quoi comme question ce soir, alors, pour montrer à Toff comment faire des bons appels ? Je vais parler de fellation. D'accord, ok, très bien. Et du coup, tu n'as pas donné de note à Toff là, pour ses appels de 0 à 10 ? Je dis juste un 6 sur 10. Ah, 6 sur 10 ? Oh, 6 sur 10, parce qu'en fait, il a bien fait, mais il faut que tu fasses plus, en fait. Ah, c'est ça. Donc, on ne sait pas ce qu'il a bien fait, on ne sait pas ce qu'il va faire plus. Ouais, ça doit être plus long, ça doit être plus de quoi ? Il faut que, en fait, au début, il faut intimider la personne, par exemple. Sur une question, par exemple, si vous aussi la personne aime la fellation, tu dis alors vous aimez ça, c'est comme ça, tu vois. Ouais. Bon, écoute, tu sais quoi, Emile, le mieux à faire, hein, c'est que tu lui montres, d'accord ? Ça marche. Voilà, montre-lui ce sac à merde là. Ça fait 3 ans maintenant que tu essaies de lui montrer comment on fait de vrais appels. Et bon, il comprend pas, mais bon, après ça, c'est comme ça. Mais je compte sur toi pour essayer de ça, que ça fasse tilt, d'accord ? Ça marche. Bon, ça allez, on y va. C'est parti. On appelle. Bonne chance, hein, dame. Hein. Ok. Bon, allez, on y va. Bon, Albert, c'est toi, mais le téléphone en cours. J'espère que c'est un bon numéro. Albert, vous allez nous entendre pas. Hein. Albert, c'est le mec qui est dans sa tête. Hein, parce qu'ils sont deux dans sa tête. Trois parfois même. Là, pour l'instant, ils sont deux. J'espère que ça a décroché à ce temps-là. Normalement, oui. Allô ? Alors, oui, bonsoir, monsieur. Oui. Bonjour. Oui, bonsoir. En fait, je t'appelle parce que je voudrais savoir si vous aimez la fellation. La fellation ? Ouais, je sais que vous aimez ça. Ouais, quand ta mère me le fait, ouais. Je kiffe. Ah, ouais. Vous aimez ça? Oh oui, vous aimez ça? Oh oui. On sent qu'il y a un... Si toi tu viens avec ta mère en plus. Enfin, monsieur, ça dit pas des choses comme ça. Ah, pourquoi ça se dit pas des choses? Bah, c'est que ça se dit. Alors, réponds à la question alors. Eh ben, la question, j'ai répondu à ta question, clochard. J'ai dit que moi, j'aimais bien me faire sucer. J'aimais bien me faire sucer avec ta maman. Réponds à la question, bordel de merde. Bah, je réponds à ta question. Je préfère me faire sucer par ta maman, mais si toi tu viens, tu me lèches les bouliches, tu vois. Alors, et franchement, oh, ce serait le summum, quoi. Franchement, mon pauvre, t'es mal barré parce que t'es complètement perché. Bah non, je suis pas perché. Je vais te mettre une perche dans le cul, mon gars, elle va ressortir dans tes trous de nez, mon gars. Ouais, c'est ça. Réponds à la question, on pense à un arrêt là. C'est quoi ta question? Je voudrais savoir si votre femme pourrait me montrer sa culotte. Hein. Que quoi? Je voudrais savoir si votre femme pourrait me montrer sa culotte. Hein. Ma femme veut montrer sa culotte? Si ta maman veut montrer sa culotte, mais je la vois tous les soirs, la culotte à ta mère. Je voudrais si votre femme a l'obligeance de me montrer sa culotte. Ouais, ouais, ta maman, elle a l'obligeance de montrer sa culotte. Tu vois, elle va avoir ma grosse bite ce soir, parce que tu vois, je vois qu'elle en a pas assez appris. Elle en a pas appris assez dans le cul, tu vois. Et du coup, je vais y mettre dans le cul. Et toi, je vais te le mettre dans le cul, dans la bouche, je vais te la mettre partout, moi, tu vois. Je sais, mais ça répond toujours pas à la question. Je vais parler de votre femme, justement. C'est chiotte, là, dame. Je vais t'enfoncer mes bouliches dans le nez, mon gars. Non, enfin, monsieur, monsieur, non, c'est vache comme ça. Non, monsieur, non, non. Putain, on dirait que tu fais déjà enculé, là, comment tu parles. Non, non, non, on dirait une vraie enfin, tête, monsieur, mec. Enfin, monsieur, pas de ça entre nous. Ah, si, t'es obligé, des gars comme toi, t'en es obligé de t'enculer, mon gars. Oh, vous répondez à la question, bordel de merde, espèce de truie ambulante. T'es ambulante, tu vois. J'ai ramené mes potes, on va faire une file indienne, on va tous t'enculer, mon gars. Et alors, bon, moi, moi, je demande à ta femme de me faire une branlette espagnole. T'as que ça à foutre, là. Tu fais quoi de tes journées, toi, ou de tes nuits, là? Toi, tu dois bien glander, toi. Tu dois bien profiter du système, non, non. Non, non, j'habite à Paris, si vous voulez savoir, je donne même mon numéro. Ah ouais, t'habites à Paris, toi. Bah tiens, ça tombe bien, je suis pas loin en plus, là, tu vois. Là, je suis en train de rouler, là, je suis dans le secteur. Vas-y, dis-moi où t'habites, moi, je viens. Si ta maman, elle est là, ta soeur aussi, ta grand-mère, tout, n'importe qui, y a pas de problème. Moi, je viens, je t'encule. Ok, alors c'est 22. Rue Boileau, R-U-E. Ah, c'est rue Boileau, comme il donne le des conseils à Toff, mais en fait, on a l'impression que c'est une mauvaise copie. Non, mais c'est la rue que je vous dis. C'est quoi ta rue de merde? Vas-y, là, je mets sur le GPS. C'est la rue Boileau. 22 rue Boileau, c'est dans le 16e. C'est dans le 16e. C'est quoi ton adresse pourrie, là? Y'a rien là-bas. Ah, mais c'est arrivé. Merci. Y'a que dalle là-bas. Si, y'a joué un truc énergie là, mes couilles là. Et non, tu te fous de ma gueule. Bon, allez, vas-y, arrête avec tes conneries là, amuse-toi avec quelqu'un d'autre là. Non, je vous promets, je vous ai donné mon adresse. Ouais, ton adresse, j'ai pas les couilles là. T'as vu, je suis au taf, peinard. Bon. Et enfin, monsieur, maintenant que vous avez l'adresse, vous pourrez prendre. Il a raccroché. Putain, t'as été bon, Oh, t'as été au taquet. Mais quel talent, dame. Je te donne un 11 sur 10. Merci. Eh, de rien, franchement, non, t'as été bon, qu'est-ce que je te dise. Eh ben, dame, nickel. Hein. Bon, eh, du coup, tu remontres à tout le monde là, la semaine prochaine, on te reprend là. Le problème, c'est que c'est le dernier canular que j'ai fait aujourd'hui. Comment ça? Et quoi, t'arrêtes après? Je vais arrêter parce que je vais plus m'occuper pour mon avenir, tu vois. Bah oui, mais c'est ça l'avenir. Non, bah, dame, 5 minutes par jour, et encore, une fois de temps en temps, t'as quand même le temps un peu, non? Pas souvent, parce que travailler et tout, tu vois. Ouais, mais de temps en temps, en plus, là, juillet-août, on va faire 20h minuit, donc ce sera plus tôt, là. À 20h minuit, j'aurai le temps. Ah, ben voilà. Eh ben nickel. Eh ben voilà, on va l'avoir pour juillet-août, c'est génial pour les vacances. Eh ben nickel. Bon, dame, je te renvoie chez Toff et Valentine, hein, d'accord? Ça marche. Bon, et merci gros, hein. De rien. Salut ma gueule, ciao à toi. Eh ben voilà, c'est ça, c'est Damien qui est là. Ouais. Tu vois, toujours du lourd, du gros, ça c'est bon ça. Bon allez, on va écouter Chainsmokers, on va revenir juste après avec, avec Paul et puis avec vos messages en direct quand on continue d'ailleurs. Hein. Mickaël et votre message au 612 et rejoignez-nous également sur Facebook, Twitter et Insta. Vous tapez M-I-K-L officiel, passez une bonne nuit. Crashing, hit a wall. Right now, I need a miracle. Hurry up now, I need a miracle. Bonne nuit tout le monde, 2h53, il y a le Polo Show qui arrive ce soir là. On va se faire Ritza aussi dans quelques minutes. Et puis on va accueillir Paul. Mickaël passe en mode été. Alors soyez là avec nous tous les soirs pour s'amuser et délirer sur Énergie de minuit à 3h. Bon, et Paul qui est avec nous. Salut Paul de Paris, comment ça va? Salut. Enfin, oula, c'est quoi cette voix? Bah quoi? Bah ouais. D'abord, toute petite, c'est quoi cette voix? T'as quel âge? 14 ans. Bah t'es encore debout à cette heure-ci? Bah ouais. Ah oui, c'est vrai, c'est congé là, oui. Grandes vacances, Paul. T'as réussi ton année au moins là? Quoi? T'as réussi ton année au moins? Ouais. Ouais, c'est bien, Paul. Bon alors, raconte, tu voulais nous parler des erreurs médicales, toi. T'as déjà vécu ça? Ouais. T'as eu quoi? Bah, j'avais une infection à l'oreille. Ouais. Et du coup, bah, je devais me faire opérer d'urgence. Mmh. Quand je suis allé à l'hôpital, bah, ils m'ont opéré. Et quand je me suis réveillé, bah, j'ai remarqué que j'avais mal aux deux oreilles. Et du coup, ils m'avaient opéré la mauvaise oreille. Oh putain, qu'est-ce qu'il est con, mais comment ça se fait? Comment c'est possible un truc comme ça? Bah, je suis beau. Ouais, parce que tu sais, enfin, le médecin, il a un dossier médical. Je veux dire, il voit bien en plus quand il opère qu'il opère rien. Oui, c'est ça, oui. Il y a quelque chose, ouais. Non, le mec, il t'enlève le truc sain. Putain. C'est bizarre, quand même. Ah ouais, j'avoue. Ouais. Tiens, il y a message, il y a Bibou aussi sur le Facebook. Il dit une histoire de fou aussi. J'ai été ambulancier 3 ans et un jour, sur une intervention, un couple qui faisait l'amour dans le bain avec l'eau, ça a fait ventouse, obligé de se rendre à l'hôpital pour les débloquer car le mec n'arrivait pas à débander et du coup, ça bloquait. Le voyage dans l'ambulance, ça a été marrant. Tu m'étonnes. Ah, surtout que c'est un truc, c'est pas grave, tu vois, dans l'absolu, c'est pas grave. Donc tu peux en rigoler, même si c'est un peu gênant, on va dire ça comme ça, quoi. Voilà. Bon, et du coup, Paul, alors qu'est-ce qui s'est passé avec ton oreille? Il y a des séquelles aujourd'hui ou pas? Ouais, mais j'ai la cicatrice, mais on avait porté plainte et on a gagné le procès. Après, je me suis fait réopérer dans un autre hôpital. Ah ouais, d'accord. Et du coup, il y a pas de séquelles aujourd'hui? Non, là ça va mieux, mais j'ai toujours la cicatrice. Ah ouais, d'accord, ok. Bon, après, si c'est que ça, ça va encore, hein, mais bon. Bah écoute, bah merci Paul, hein, d'avoir appelé. Mika? Ouais. Il y a moyen que j'ai un poster dédicacé parce que j'adore votre émission. Non, oh, c'est gentil. Bah oui, je vais t'en passer Valentine, on va t'envoyer ça, pas de problème. Merci. Avec plaisir. Passe une bonne nuit. À bientôt. Et tu rappelles quand tu veux, Paul. Ciao à toi, mec. Bye. Karim. Alors, t'es toujours là, Karim? Gros, je me casse les couilles quand même. Bon, dis donc, qu'est-ce qu'il y a, Karim? Ça va? Il y a du monde dans le standard, hein, que tu crois? Bon. 2 heures, j'attends. J'ai éclaté mon téléphone. Et alors? Et alors? 2 heures, j'attends, wesh. C'est trop? Bah vas-y, c'est pas trop, c'est bien, bah alors que t'es là, profites-en, qu'est-ce qui t'amène, Karim? Oh, je deviens fou. Pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Je plombs pour rien. Ah oui, ça on l'a bien remarqué, regarde. Bon. Oh, vous êtes fou, je suis fou, tout le monde il est fou ici. Ouais. Oh, pour commencer, moi je travaille au Jiffy, sa grand-mère la pute. Ouais. Mais c'est tout ce que t'as à dire en fait, il y a que ça à dire. Oh, moi je me sers pour rien en ce moment. Ah oui, non, mais ça on a bien remarqué, ouais, mais Et qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, Karim? Oh, poteau! Ouais. Moi, je suis célibataire, ça fait 8 ans. Oui, bah oui, mais enfin, en parlant comme ça, ça m'étonne pas, hein. Oh, maintenant, laisse-moi parler, frère! Bon, allez, vas-y, Karim! Ça fait 8 ans que je suis célibataire. Ouais. Oh, les couples dans la rue me rendent fou. Pourquoi? Oh! Oh, sur la tête de ma mère. Oh, Cupidon, il m'a raté. C'est un one-man show, en fait. Mais pas drôle. Oh, il m'a pas. Je sais pas s'il a vu ici ou. Vois le délire, je vois un couple dans la rue, j'ai envie de les taper. Ouais. Attends, hey, tu sais quoi? Attends, Karim, je vais te mettre dans le polo chaud, je pense que ça sera mieux. Dans quelques secondes. Bouge pas, hein, 2 secondes. Bah, de toute façon, t'es plus là. Après, on met juste Ritza là, en speed. Je te reprends juste après, 2h57, sinon on va jamais finir. Ritza maintenant, et puis. Puis polo chaud. 01 40 71 5000, c'est le numéro du standard. Vous appelez, c'est le défouloir qui arrive. Je me lance, je m'en fiche de ce que les gens pensent. C'est les regards qu'on me lance. Désormais, je m'en fous. J'avance, tant pis si cela t'offense. Ton avis n'a pas de sens. Aujourd'hui je m'en fous. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour. J'entends plus, je fais le sourd. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour. Pourquoi tu me tournes autour? Je m'en fous. Je m'en fous. Tu perds ton temps, tu me testes, mais moi je m'en fous. Et au fait, non je ne retourne pas ma veste. Que tu partes ou tu restes, finalement je m'en fous. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour, j'entends plus, je fais le sourd. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour, pourquoi tu me tournes autour. Je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour, j'entends plus, je fais le sourd. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour, pourquoi tu me tournes autour. Laisse-moi faire mes affaires, je te laisse faire des efforts. Et t'as tout foutre en l'air, ouais au fond. Je m'en fous, rien à faire, tu as raison, oui j'ai tort. Moi je préfère me taire, ouais au fond. Je m'en fous. Tout le monde, c'est Mickaël sur Énergie. 3h du mat, c'est l'heure du Polo Show. Allez, on y va. 0140 71 5000. Ah. Ladies and gentlemen. Ouais. 0140 71 5000. Ah mais dis donc Polo, ouais. Au lieu de faire le crâne, ouais, à la radio, tu voudras pas venir nous payer les 1850 balles de ces sandwichs au pâté là, peut-être. C'est cher, hein. C'est Ricard à la con et ses bières. Ouais. En plus, il nous bouge les chiottes, cet enculé, avec ses chaussures en caviar, il se prend pour une star. Mais rentre chez toi. Ah. 0140 71 5000, vous êtes sur Énergie dans le Polo Show, Michel à l'arrière. Ouais, je suis là, et bientôt en vacances et tout, ça va être super, bien. Super, ça c'est la meilleure nouvelle de l'année. Ouais, Christophe et Valentin sont au standard, n'hésitez pas à les appeler. 0140 71 5000. Karim le Zaaf. Karim. Allô. Bon, faut arrêter de t'énerver, oui, mon pote. Écoute-moi, je t'en fais pourquoi je suis énervé. Tu fais du sport en plus, toi, t'es un sportif, Karim. Bon, tu le sais. Bah, c'est normal, t'es un beau gosse, ça se voit. Il devrait arrêter de t'énerver, mec. Mon voyeuriste. Comment tu sais tout ça? Mais je sais, c'est normal, Karim. Un voyeuriste, toi? Je suis un voyeuriste, ouais, c'est ça. Je vois dans l'avenir du voyeurisme. Bon, je peux t'expliquer pourquoi je suis énervé? En deux spi, Karim, vas-y. En deux. Bon, très vite. Déjà, je travaille à Jiffy, déjà. D'accord. Ça, c'est noté, ça, on l'a noté, Karimka, vas-y. C'est un truc de fou, déjà. Alors, je t'explique, aujourd'hui, je travaillais tranquille, j'étais en train de remettre les trucs en rayon, au calme. Ouais. Calme, là, il y a une meuf, elle vient. Ouais. 39, tu vois, un truc comme ça, 30-35 ans. Ouais. Normal. Elle vient, elle me dit, ouais, écoutez, bonjour, monsieur. Cours, Karim, cours. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Ça court, ça fait 2 heures sur le téléphone. Mais non, mais on l'a compris, Karim, tu vas pas faire tout le... Karim, tu vas pas faire tout le dialogue avec la meuf, avec les voix et tout. Là, il y a 50% de ma batterie qui est partie et tu me demandes de faire court. Bah oui, comme ça, t'as le temps avec la batterie. Non, c'est pas ça, Karim. Tu vas pas me faire tout le dialogue avec la meuf, avec les voix et tout. Et après, tu vas me faire les bruitages. Mais non, mais. Vas-y, gros, vas-y, enchaîne là. Mets la deuxième, on y va. On est bon là, Karim. Elle me dit, écoutez, bah voilà, je cherche un produit, mais c'est assez indiscret. Je lui dis, bah écoutez, bah dites-moi. Ouais. Elle me dit, mais je sais pas trop comment vous le dire. Dans ma tête, je lui dis, ma gueule. Ouais, bah oui. Vous pouvez pas me le dire. Et alors toujours, ouais, mais je comprends, ouais. Je lui dis, bah dites-moi toujours. De toute façon, je suis là, je suis ouvert. Elle me dit, ouais, mais c'est assez indiscret. Je dis, oh lolo, c'est quoi ce truc? Elle va me demander des trucs, je comprends rien. Mais dites-moi, madame, j'étais comme toi là. Bah, comme toi, t'attends ton histoire là. Ouais. Moi, qu'est-ce que vous cherchez, madame? Je suis là pour vous, tout ça, hein. Ouais. Oui, mais c'est indiscret, je sais pas. En plus, vous avez l'air d'être gens. Lolo. Vas-y. Ça m'énerve, toi. Tranquillement. Raconte, qu'est-ce que vous voulez? Le magasin, il est grand. Moi, je travaille jusqu'à 19h. Le magasin est bientôt fermé. Ouais. Dit, madame, s'il vous plaît. Comme Énergie, ils vont bientôt fermer, là. Ouais. Elle me dit, ouais, bah écoutez, je peux vous dire ça dans l'oreille. Je dis, oh non, je vais au confessionnal, non? qu'est-ce qu'elle me veut, elle? Vous voulez quoi, madame? Je veux m'énerver, dépêche-toi, je vais tirer par les cheveux. Elle m'a dit, ouais, s'il vous plaît, je voudrais un godemiché. T'es sérieux, là? Mais, tu crois que j'ai attendu 2 heures pour te raconter une fausse histoire? Attends 2 secondes. Starguest! Ouais. Qu'est-ce qui se passe, gros? Ouais, dis-moi, aujourd'hui, c'était un an de... Attends, un taxi! Non, nique ta grand-mère, la grosse pute, toi, là. Calme-toi, non, vas-y, Starguest. Aujourd'hui, c'était les 1 an de Mickaël sur Énergie, là. Ouais. Ouais. Et alors, quoi, tu veux lui sucer la bite? Ta mère. Je suis laissé la chatte à ta mère. Bon, aujourd'hui, j'ai décidé de mettre une petite musique. T'as vu qu'ils m'ont présenté depuis pas mal de temps, déjà. Attends, Starguest, garde ça au chaud, on revient après. Ibra, mm-hmm. Qu'est-ce que tu veux? Ouais. Mais c'est pour changer le mot... Et pour changer le mot best-of, ouais, en best-of. Super, c'est génial. Oh là là, Rémi de Macon, t'écoute. 0140 71 5000, vous êtes sur Énergie dans le Polo Show. Rémi, salut, Polo, ça va? Ça va. Ouais, dis-moi, 69 en polonais, comment tu traduis? Je sais pas. Qui lâche qui? Ah, c'est pas mal. Merci, Rémi, j'ai beaucoup aimé. Beaucoup. Bon, hé, Karim, là, termination de la vanne, là? L'histoire? On termine l'histoire, là, Rimka? Tu te rappelles, j'en étais où ou pas? Ben oui, le god. Voilà, MK, je voudrais un god miché, s'il vous plaît. J'ai vu, madame. J'ai ça pour ça. Je reçois de combien de centimètres? Elle commence par me dire 20 centimètres. Ouais, mais j'en veux un assez grand parce que mon mari... Ouais, mais t'en veux un combien de centimètres, je t'ai dit? On me dit, j'en veux un de 20 centimètres. Viens, allez, au-dessus, allez. Je vais ramener aux toilettes. Et puis voilà, quoi, on a fait nos affaires, et puis voilà. Bon, hé, hey, Karim, tu fous de ma gueule, casse-toi. Il m'a saoulé, celui-là. Naouri! Ouais, bien ou quoi? Bien. J'ai un petit conseil pour Karim là. Si ça fait 8 ans qu'il est célibataire, pourquoi il baiserait pas sa mère la pute? Oh là, c'est dégueulasse. Fabien, on t'écoute. 0140 71 5000. Vas-y, on speed là. Il y a mon Jackie là qui attend là. Fabien. Oui. Ouais, continue à. Ouais, bah, fille. Jackie. Ouais, Polo, ça va ou quoi? Bah, ça va, Jackie. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, gros. Oh putain, l'autre Naori m'a niqué ma vanne, cet enculé. Ah merde. Ah, je voulais dire à Karim qu'il allait baiser sa mère la pute là, le cassos là. Il nous casse les couilles, c'est gauche Mickey, il est gauche Mickey là, il a cassé les couilles dans le cul ce connard là. Ou sinon il a appelé Eric de Monfion, t'as. Mais oui, parce mais que, oui. Il est en couille. Il sait même pas parler, machin, je te jure. Ah putain, il m'a niqué ma vanne, l'autre enculé, je suis dégoûté. Ah merde, ah, Jackie. Ouais, c'est la vie, ah, Jackie, si tu veux, c'est ça, ah, c'est la putain. Course, hein, c'est la vie, hein, c'est la vie de la mais course. Mais sinon, il y a encore de la salope là sur la bande des feuilles au restaurant. Ah, ça, j'en sais rien, à toffe au moins si tu veux, attends. Francisco. Ouais, franchement, il a cassé les couilles, là, Karim, là. Mais oui, mais moi, je crois qu'il y avait un truc intéressant, c'est pour ça que je l'ai tenu, sinon on l'aurait dégagé. Il s'est foutu dans le cul, God, ouais, plutôt. Bon, c'est ouais. Tout, dis-moi. Non, non, je voulais donner un conseil, là, pour Mich-Mich, là, comme il y a Stargate et tout. Ouais. C'est la chanson de Makassi, hein. Ouais. T'as qu'à faire un petit remix exprès pour lui, hein. Comme ça, ça va bien lui mettre la laine. À qui bien l'enculé. À Stargate. À Stargate. On va faire ça, Francisco, merci pour le conseil. Ouais, y'a pas de ça, et tu continues comme ça, les gars, vraiment. Si, merde, gros, tu reviens quand tu veux, Starguest. Ouais, je vois pas en quoi j'aurais le seum, vu que le Makassi demande à une meuf de venir le rejoindre dans son taxi, donc c'est bénéfique. Bon. Dis-moi, Starguest. Dis-moi, Polo, tu veux savoir la mère à Michel, elle chantait quoi quand je la baisais? Elle chantait ça, regarde. Bah ouais, c'est trop ça, hein, en fait. Bon. Eh, dis-moi, je veux ouais, demander à Michel... Ouais, là, putain, fais pas animateur radio, reste à ton taxi pourri, va. Ta mère. Dis-moi, je voulais demander à Michel, vu que là, j'ai plus sa mère pour qu'elle m'aspire la voiture. Ouais. Je lui ai demandé, il a pas une tente à me prêter. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai perdu quelqu'un. Starguest? Ouais, je suis là. Ah, d'accord, non, je lui ai demandé s'il avait pas une tente à me prêter. Bah, écoute, je sais pas, demande-lui, il est là, une quoi. Une petite sœur ou une grand-mère, quelque chose, qu'elle vienne lécher mes jantes. Oh. Ah non, j'ai foiré un truc là encore. Starguest. Ouais, moi je voulais dire aussi pourquoi il vient raconter sa vie là, Rinka, il est énervé. Ben oui, il est vénère. Il est célib depuis 8 ans. Qu'il aille voir la mère à Michel, il restera pas longtemps célib. Michel, jingle s'il te plaît. Hein? Allez, arrête de dormir, Christophe, Valentoche au standard, 01 40 71 5000. N'oubliez pas, vous êtes toujours sur Énergie. On est là posé juste encore quelques instants, donc pour ça pour appeler. Le mec, il a toujours, ça fait 12 mois, il a pas compris. Oh, Stargaz, conclusion, on se barre, on ferme la boutique. Ah bah conclusion, on se barre, on ferme la boutique. Bah conclusion, on baisse la mère à Michel, ouais. Tu vas mourir. Ouais, ouais. C'est toi, je vais niquer ta grosse gueule de bâtard. Ta mère, elle va bien mourir avec ma bite dans son trou de balle. Ferme ta gueule de merde. Mais toi, l'enculé. Tu prouves tes bites à faire, c'est toi l'enculé. Je cherche un jingle là, putain, j'ai rien à me mettre sous la dent. Là. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Enculé. Enculé. Tu ne veux plus dormir ou bien manger car t'as vu ton nom toute la journée. Ouais. Maxwell. Ouais, mon pote. Dis-moi tout. Faut faire du rap. Eh, l'autre Karim, ce qu'il a pas précisé, c'est que c'est sa mère qui est venue lui demander à Godmichel, son culé, là. Et puis, eh, juste un dernier petit truc. Eh, demain, votez. Eh, demain, faut miser sur la Pologne. Ils sont tous venus avec des camions, ils ont posé des bétonnières autour du terrain, ça va les amadouer, les Portugais. Drôle, ça. Bande de mort. Eh, Mich-Mich. Eh, 1800 euros le week-end à Amsterdam. Et tu sais qui c'est qui l'a payé? C'est ta maman, je l'ai posé en vitrine, ce salope. Allez, pas de vulgarité, c'est amour, les amis. Salut Maxwell, tu reviens quand ouais. tu veux. Stargaze. Salut le Portugal, on va aller baiser ces polacs là. On t'enculé. Forza caralho. Bon allez, hey, demain justement, bah bonne chance pour le Portugal. Bon, je vous avoue qu'en tant que Portugais, j'espère qu'on va passer quand même. Hein. Et puis bah on verra bien. Stargaz, hey, quel score à ton avis? Stargaz. Ah oh, qu'est-ce qu'il est con, Stargaz. Alors putain, pour une fois, je lui pose une vraie question, il raccroche. Alors je te jure, Stargaz. Ah, il est parti. Bon bah c'est pas grave. Passez une bonne nuit en tout cas. Bah demain on verra. Hein, score Portugal Pologne ou Pologne Portugal, je sais plus. On verra bien, donc bon bah bonne chance, hein, voilà, on va y croire, hein. Qu'est-ce qu'il y a Tof, tu voulais dire un truc? Qu'est-ce qu'il y a? Non ouais, je voulais dire 7-0 pour la Pologne. Ouais, pauvre con, on va te faire foutre, putain, je te jure. Allez, au cœur de la nuit sans pub, on continue maintenant avec du son, on revient demain à minuit pour la dernière de la semaine, putain déjà. Et on se quitte avec Enrique Iglesias, passez une bonne nuit tout le monde, à demain. Solo en tu boca, yo quiero acabar todos esos besos que te quiero dar. A mí no me importa que duermas con él, porque sé que sueñas con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy. Yo te haré acabar ese sufrimiento que te hace llorar. A mí no me importa que vivas con él, porque sé que mueres con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Te duele el corazón.